Jeanne, décès survenu jeudi à l'âge de 93 ans. Une présentation de la défunte sera présentée donc aujourd'hui à 14h. La bénédiction aura lieu au centre funéraire sud, suivie de l'inhumation, de la crémation, pardon, à 16h au centre funéraire sud. Réunion première présente aux familles ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réuni Solidarité, Mutuel Obsèque et Complémentaire Santé. Allez, un petit point vite fait pour vous qui habitez du côté de la région de Saint-Louis, la ville de Saint-Louis surtout. Vous êtes concerné par une coupure d'eau pour des travaux, donc ça sera effectif à partir de 10h. Donc coupure d'eau à partir de 10h pour la ville de Saint-Louis. Donc c'est pour tout le quartier de la Palissade, pour l'avenue des Palmiers, pour la rue Professeur Henri Lapierre. Et sachez que la remise en eau sera effective à partir de 18h, sauf incident. Donc prenez vos précautions. Et pour vous qui êtes actuellement sur le réseau routier, sachez que sur la RN2 à Saint-Joseph, au niveau des rampes de Basse-Vallée, dans le cadre des travaux de la sécurisation de la falaise, et pour permettre justement la suite des travaux de purge, il y a des coupures qui sont effectives, qui n'excèdent pas 45 minutes. Donc ça commence aujourd'hui à 8h30 jusqu'au vendredi 1er juillet. Donc 8h30, 15h30 jusqu'au vendredi 1er juillet. Donc coupure de la circulation sur la RN2 à Saint-Joseph au niveau des rampes de Basse-Vallée. Alors sachez quand même que par ailleurs, en dehors de ces coupures, la circulation se fera par alternat. Et puis on termine avec l'établissement français du sang qui vous informe donc de cette nouvelle collecte qui a lieu aujourd'hui à la mairie annexe de Saint-Paul de 8h30 à 12h30 et aussi de Auchan-Saint-Louis, donc de 12h30 à 17h. Réunion première. Cet espace est le vôtre. Vos communiqués, vos messages par fax au 02 62 40 68 33 ou par mail à avis@francetv.fr. Excellente matinée avec nous sur Réunion première. Allez, on commence la matinée tout doucement, on sort du lit. Et puis on continue en musique avec Apollonia et Kosaidi sur la première. Kosaidi, comment ça va? On a longtemps nous l'a pas retrouvé. Kosaidi, comment ça va? L'amitié garde le même goût. Tellement zimas, il gagne pas été. Talons pour moi, tout ça l'est gravé à jamais. Quelque moment, moi la demander à moi que ça m'y fait là. Il prétend à bomber la monnaie, l'autre côté là-bas. Et mon soleil tout fait les piniers. Connais ça même pour la mirauder. Alors, tout ça il dit, comment ça va? Nous l'a pas encore trouvé. Kosaidi, comment ça va? Marou Barona à boire un café. Kosaidi, comment ça va? N'a longtemps nous l'a pas encore trouvé. Kosaidi, comment ça va? Marou Barona à boire un café. Apollonia, Kosaidi sur Réunion Première. Et Kosaidi au niveau de l'horoscope, on le sait maintenant avec Marie sur Réunion Première. Bonjour, nous sommes le lundi 27 juin. Nous fêtons les Fernands cette journée. Bonne fête, messieurs. J'espère que vous entamez la semaine avec un grand sourire. Voici tout de suite l'horoscope de la Première. Bélier, l'amour se cache où on ne l'attend pas, les célibataires. Gardez cela en tête. Taureau, vous êtes assez concentré sur vos travaux et tout avance particulièrement vite en cette journée. Gémeaux, dites ce que vous pensez, tout simplement. Cancer, entente parfaite côté professionnel avec les Verseaux. Lion, en couple, on pourrait bien vous réserver une jolie surprise en soirée. Vierge, ce sera vraiment votre journée. Balance, côté court, c'est le calme plat pour les célibataires et tout roule pour les couples. Scorpion, écoutez votre instinct plutôt que celui de vos collègues ou de vos amis. Sagittaire, une association ou un accord pourrait être signé aujourd'hui. Il pourrait être professionnel, mais aussi privé. Capricorne, ne vous en faites pas trop, les choses vont s'arranger d'elles-mêmes à la fin de cette journée. Verseau, vous allez trancher radicalement un différend qui pour vous dure depuis beaucoup trop longtemps. Et Poisson, enfin, c'est une journée prometteuse avec à la clé une rencontre qui pourrait vous apporter beaucoup. Excellente journée à tous et à toutes. Excellente journée avec Réunion Première, très bonne semaine, il est 6h. Le journal présenté par Florent Marot, bonjour. Bonjour Lucas, bonjour à tous. La France en quart de finale de l'Euro de foot, ce sera face à l'Angleterre ou l'Islande. Hier, les Bleus avec Payet titulaire ont éliminé l'Air, 2-1, 2 buts de Griezmann et il fallait avoir le cœur bien accroché, reportage dans un instant. Perturbation à prévoir ce matin du côté de la Nordève, une simulation d'attaque terroriste est organisée, un exercice appelé tuerie de masse, ce sera à 8h, 70 policiers, 80 gendarmes et 30 sapeurs-pompiers sont mobilisés. C'est parti, depuis quelques secondes, la campagne sucrière démarre ce matin dans le nord et l'est, mais déjà un problème, une quarantaine d'exploitants devront attendre 2 semaines avant de pouvoir acheminer leur canne. Pourquoi ? Réponse à suivre. Et puis il y avait du breakdance hier à Saint-Pierre, au programme le championnat de la Réunion devant un jury international. On y reviendra à la fin de cette édition. La France sera bien au rendez-vous des quarts de finale de l'Euro de football. Les Bleus ont éliminé l'Air 2-1 hier, un doublé d'Antoine Griezmann. Dimitri Payet était titulaire pour le plus grand plaisir des supporters réunionnais. Beaucoup ont suivi le match entre amis sur grand écran ou encore dans un bar. Des supporters qui sont passés par toutes les émotions hier. Olivier de la Richaudie était avec eux dans un bar de Saint-Denis. La France en quart de finale de l'Euro de football, c'est l'explosion de joie chez les supporters tricolores. Il fallait s'y attendre, hein. Après les Anglais, c'est les Irlandais qui sortent de l'Euro. Hein. Et si certains se permettent de fanfaronner, c'est certainement pour oublier le cauchemar de la première période. À la deuxième minute de jeu, l'Irlande ouvre le score sur un pénalty. Ils ont 3 gauchers en phase offensive, ils font un centre, un défenseur qui glisse. Et après la faute débile de Pogba, c'est triste. Malgré une première période poussive, les supporters veulent tout de même croire à la victoire. Physiquement, ils sont menés, donc ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner. Là, on voit bien, il y a plus d'occasions pour la France. La France se montre plus dangereuse. Là. Le sursaut tricolore ne tarde pas. À la 58e minute, Antoine Griezmann égalise et délivre les supporters. On respire, c'est difficile, mais je pense que ça se terminera quand même par une prolongation. Un partout, mais victoire de la France à la 112e minute. But de Payet. Mais c'est encore Griezmann qui amène la joie dans le cœur des passionnés. Il creuse l'écart 3 minutes seulement après son premier but. Antoine Griezmann, l'homme du match. Pour autant, les Réunionnais restent fidèles à l'enfant du pays, sûrs d'assister à ses prouesses au prochain match. Et la France jouera dimanche en quart de finale contre le vainqueur du match Angleterre-Islande. Match prévu à 23h ce soir en direct sur Réunion Première. À 20h, l'Italie affrontera l'Espagne. Carton rouge et on ne parle plus de foot mais de violences faites aux femmes. Le CVIF organisait hier une opération de sensibilisation. Opération appelée carton rouge aux violences intrafamiliales. De vrais cartons ont d'ailleurs été distribués. Une dizaine d'associations étaient présentes sur le stade Paul Moreau. Depuis le début de l'année à La Réunion, 5 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint. Alors comment, selon vous, peut-on combattre ces violences? On écoute quelques réponses. Pour moi, il faudrait améliorer tout ce qui dit de la prévention au niveau des jeunes, en leur inculquant ces bases de respect. C'est ça qui va justement régler ce conflit dans le temps, car agir à l'âge adulte, je pense que c'est juste panser les plaies. Et c'est pas ça qu'il faut faire, il faut vraiment agir de le point de départ chez les enfants pour éliminer ce fléau. La sécurité, parce qu'en fait, il y a des femmes qui n'est pas prise en compte vraiment avec les autorités. Ben, malheureusement, vous êtes fait tuer à autres. Même si ça va, gendarmerie, police, il fait rien en fait. Ben, moi, c'est plus de voir l'accompagnement de ces femmes-là, déjà. Il y a des assistantes sociales hein, sur la gendarmerie et la police municipale, mais même eux, ils ne font pas leur boulot. Il faut dire les choses comme ils sont. S'il n'y a pas de sang, ils n'interviennent pas. Des réactions recueillies par Priscilla et Thève, et ces solutions seront prises en compte lors des premiers états généraux. Ils auront lieu à La Réunion au mois de novembre, une première donc dans l'île. Un exercice grandeur nature pour lutter contre le terrorisme. Après les attentats de Charlie Hebdo, ceux de Paris ou encore d'Orlando, un schéma national d'intervention a été présenté. C'était le 19 avril dernier. Chez nous, dans le cadre de ce nouveau système d'intervention, deux exercices appelés tueries de masse sont programmés ce matin. Le premier aura lieu à 8h à la Nordève à Saint-Denis. Le second à 10h au Cinépalme de Sainte-Marie. Les précisions de Mélodie Nourry. Les scénarios élaborés par les services de police et de gendarmerie prévoient l'attaque de terroristes armés lors d'un colloque au parc des expositions, puis une attaque au Cinépalme. Les opérations vont mobiliser 70 policiers, 80 gendarmes, 30 sapeurs-pompiers et 300 figurants. Pilotés par les services de la Direction départementale de la Sécurité publique et du commandement de la gendarmerie de La Réunion, ces exercices grandeur nature ont plusieurs objectifs. D'abord, tester la chaîne d'alerte au titre de la rapidité de mobilisation des moyens. Ensuite, voir comment s'organise le commandement et le partage de l'information. Et puis, il s'agira aussi de mettre à l'épreuve les procédures d'intervention des services de police en termes de réactivité et d'opérationnalité. Enfin, les deux mises en scène ont aussi pour but d'expérimenter la coordination des forces de l'ordre et des secours, combinant mise en sécurité des sites impactés et aide aux victimes. Et attention, si vous devez circuler dans le secteur, un périmètre de sécurité sera mis en place. Des perturbations de la circulation sont prévues. Attention également sur la route, dans l'Est, la campagne sucrière démarre ce matin. Les premières cannes ont été livrées dès 6h. Ça roule donc pour les planteurs, enfin pas pour la totalité d'entre eux. Une quarantaine d'exploitants devront attendre 2 semaines avant de pouvoir acheminer leurs cannes. En cause, le retard sur le chantier de la nouvelle plateforme de réception de la mare. En attendant la fin des travaux, la CGPER demande à Tereos la remise en service partielle de l'ancien centre du quartier d'affaires. Réunion première, 6h06, 7 opérations de solidarité maintenant, Florent, tous mobilisés pour Alexandre. Et oui, c'était ce week-end au dojo Pierre Grondin à Sainte-Clotilde. L'objectif était bien sûr de récolter des fonds pour ce jeune homme de 22 ans, devenu handicapé il y a 7 ans suite à un accident en cours de sport au lycée. Alexandre se bat au quotidien, ce qui a touché les élèves du lycée Jean Perrin de Saint-André. Ils ont un projet, équiper la maison d'Alexandre en domotique pour lui permettre de tout contrôler grâce à une tablette. Un équipement qui changerait tout, selon sa maman Céline Parvedi. Par exemple, en ce moment, il y a le match de foot. Moi, je ne suis pas une adepte de foot. Eh bien, je suis obligée de regarder le foot avec lui parce qu'il faut l'installer dans le fauteuil, regarder le foot. Quand le match est fini, l'amener vers sa chambre, l'installer dans son lit. Quand il aura la domotique, il pourra ouvrir sa chambre tout seul, aller vers sa chambre, s'installer, regarder sa télé puisqu'il pourra tout commander à partir de sa tablette, fermer sa chambre, éteindre sa télé et puis dormir. Il pourra faire ces choses-là, ces choses simples que pour nous c'est évident, mais pour lui c'est important. Donc gérer des moments intimes, je dirais, seul, et c'est ce qui lui manque. Céline Parvedi, la maman d'Alexandre, au micro Réunion Première de Lisourdel. Et sur les 10 000 euros nécessaires, 6 000 ont déjà été collectés grâce à un financement de la région et aux dons des particuliers. Alors si vous voulez aider Alexandre, vous pouvez appeler le 06 92 76 08 92 ou le 02 62 58 84 40. Dernière ligne droite avant le Tour de l'île en Joëlette. L'ultime entraînement a eu lieu hier entre Saint-Philippe et Sainte-Rose. Les Joëlettes, ce sont ces fauteuils de randonnée pour les personnes à mobilité réduite. Alors pour les aider, des bénévoles sont présents, ils guident et portent quand il le faut. Tous font partie de l'association Aventure Joëlette. Sophie Persson avec Céline Roland. Sur la route des laves, malgré le mauvais temps entre pluie et brouillard, Jimmy Nayagon apprécie le paysage dans sa Joëlette. Nous, les personnes portées, grâce aux porteurs, on peut vivre des moments extraordinaires comme là, passer sur la route des laves. Moi, je le fais en voiture, c'est vrai, mais on n'a pas le temps d'apprécier le paysage. Et là, on a le temps parce que ça ne va pas vite. D'habitude, quand je passe là en voiture, c'est moi qui conduis. Donc, je n'ai pas le temps d'apprécier. Je suis un habitué de la Joëlette. S'entraîner avant le Tour de l'île, c'est important physiquement, bien sûr, mais cela permet aussi une reconnaissance du terrain. Patrick Lefebvre, le président de l'association Aventure Joëlette, est très attentif à la sécurité. Ce qui est important aussi pour nous aujourd'hui, c'est de voir ce que ça donne au niveau de la sécurité, parce qu'on est sur un tronçon exclusivement routier, pas de sentiers littoraux, etc. Donc pour nous, on voit un petit peu ce que ça donne pour laisser passer les véhicules. sans trop les gêner, quoi. Et pour ce qui est du plaisir partagé et de la motivation, les 30 km parcourus entre Saint-Philippe et Sainte-Rose prouvent que tout va bien de ce côté-là. Et le Tour de l'île en Joëlette aura lieu du 10 au 17 juillet. Et justement, on reparle sport dans ce journal avec du football et la fin hier de la 8e journée de D1R. Sainte-Suzanne a battu la Saint-Pauloise 2-1. Victoire de la Petite Île face au RC Saint-Benoît 2-0. Enfin, la Saint-Louisienne a fait match nul 1 partout sur le terrain de Sainte-Marie. Et puis en cyclisme, Cédric Gasnier s'est de nouveau imposé hier après le championnat régional sur route. Le Dionysien a remporté le Grand Prix Stéphane Sidat Oliane ce week-end. Les B-Boys et les B-Girls étaient sur le front de mer de Saint-Pierre hier à l'occasion du championnat de breakdance organisé par l'association 430. Des équipes de danseurs se sont donc affrontées dans des battles devant un jury international. L'ambiance et le public étaient au rendez-vous. Parmi les invités de marque, Monsieur Junior, une pointure du breakdance qui a aussi gagné le concours Incroyable Talent. Originaire du Congo, il a contracté la polio quand il était petit avant de remporter le Battle of the Year en 2001. Monsieur Junior qui a apprécié le niveau réunionnais sur ce championnat de breakdance. Ils s'en sortent plus que pas trop mal, ils sont vraiment bons et moi ce que j'aime ici c'est vraiment la mentalité et le rapport à la musique qui va être assez pointu même à leur jeune âge, à côté même de la scène, ils sont à côté, ils s'amusent, ils dansent, c'est pas juste le côté sportif de la discipline, c'est ça que j'aime bien. Et oui, l'ambiance elle est bien d'avoir un événement en extérieur et que le public soit aussi attentif, c'est motivant. Monsieur Junior, champion de breakdance au micro Réunion Première de Sophie Persson. C'est la fin de ce journal. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info. Et le gouvernement est bien décidé à aller vite sur le dossier de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Les travaux commenceront à l'automne prochain, réaffirme le Premier ministre Manuel Valls. Après 50 ans de controverses, les habitants de Loire-Atlantique donnent leur feu vert à ce projet. Ils l'ont approuvé à plus de 55% des voix lors d'une consultation locale. Un électeur sur deux du département est allé voter ce dimanche. Les opposants au projet d'aéroport appellent un rassemblement national sur le site de Notre-Dame-des-Landes les 9 et 10 juillet prochains. Les Espagnols ont aussi appelé aux urnes hier pour des législatives avec une déception pour Podemos. Le parti anti-austérité arrive troisième avec sa coalition. C'est à nouveau la droite au pouvoir qui l'emporte. Les socialistes du PSOE sont deuxième. De nouvelles élections organisées après 6 mois de blocage politique face à l'impossibilité de former un gouvernement de coalition. La Grande-Bretagne, toujours désunie après le Brexit, le leader de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn exclut de démissionner. Il est en difficulté au sein de son parti, accusé de ne pas avoir assez défendu le maintien au sein de l'Union européenne. Le Premier ministre démissionnaire britannique David Cameron lui réunit son conseil des ministres ce lundi. Les Européens lancent les grandes manœuvres diplomatiques pour organiser l'après-Londres. La chancelière allemande Angela Merkel reçoit ce lundi François Hollande, le chef du gouvernement italien Matteo Renzi et le président du Conseil européen Donald Tusk. Après cela, rendez-vous à Bruxelles pour un sommet européen mardi et mercredi. Les gardes-côtes italiens ont secouru 3300 migrants et réfugiés ce week-end en mer Méditerranée. Avec 26 opérations de sauvetage menées au large des côtes libyennes, une personne a été retrouvée morte et 4 autres sérieusement blessés sont hospitalisés à Lampedusa. Aux États-Unis, Hillary Clinton conforte son avance face à son rival Donald Trump dans la course à la Maison-Blanche. Selon un sondage publié ce dimanche, l'ancienne secrétaire d'État en lice pour l'investiture côté démocrate a plus de 10 points d'avance. 51% contre 39% des intentions de vote contre le milliardaire qui lui fait campagne côté républicain. Après l'affiche de la CGT, une fresque jugée anti-policier au cœur d'une polémique à Grenoble. Elle représente une Marianne matraquée par 2 policiers. Elle a été peinte sur un mur dans le cadre d'un festival d'art subventionné par la mairie écologiste. Le patron de la police départementale dénonce une œuvre indigne. Réponse de la ville, l'art a vocation à créer du débat. Sur son compte Twitter, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve lui affiche son soutien aux policiers grenoblois qui, dit-il, attendent que le maire de Grenoble dise ses regrets. Libéré, c'est le titre de l'équipe ce matin. C'est pour les Bleus, la France est en quart de finale de l'Euro de foot. Elle bat l'Irlande de 2-1, mais après avoir été menée au score pendant près d'une heure. Pour la Belgique et l'Allemagne, des huitièmes de finale aux allures de promenade de santé. La Belgique sera la Hongrie 4-0. L'Allemagne bat la Slovaquie 3-0. L'info revient à 6h30. On fait juste un petit point sur la météo. Bah oui, on se réveille tranquillement sur Réunion Première, puis en même temps, on prend un petit peu de nouvelles du temps. Sachez que cette matinée, il y aura un petit peu de vent, mais surtout modéré. Il y aura alternance entre ciel bleu et nuageux du côté du volcan de Takamaka. De petites ondées à prévoir aussi dans ces régions-là. Allez, on s'avance un petit peu pour l'après-midi. Le temps sera clément avec quelques petits paquets nuageux le long des remparts ainsi que sur les hauts de Saint-Paul qui déborderont ensuite vers le littoral. Roulez tranquille en suivant l'inforoute avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Bah oui, on se réveille tranquillement, mais en même temps, on est sur la route. Yves, du côté de Bois-Rouge, bonjour. Bonjour Lucas, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver en ce lundi de début de semaine et début de campagne sucrière, alors qu'on est sur fin de l'année scolaire, dernière semaine, dernière ligne droite. Bon, les écoles primaires, hein, donc les autres sont déjà en mode vacances, ont déjà les lycées fermés, collèges, bah, il n'y a plus grand monde. Mais enfin, normalement, pour les plus assidus, ils iront jusqu'à la fin de la semaine. Et puis, en école primaire, bah, ils se lèvent quand même toute cette semaine. Par contre, début de campagne, j'ai croisé déjà deux tracteurs sur la ligne droite de Chassagne, donc provoquant derrière ces tracteurs et ces engins lents, donc des ralentissements. Avec, on le rappelle, pour les conducteurs de tracteurs, une interdiction de circuler entre Duparc et Ravine des Chèvres, donc obligé de passer par l'ancienne route nationale, mais ce tronçon de 4 voies leur est interdit. Ici c'est plutôt calme, hein, donc au niveau de l'attente des tracteurs, il y en a un ou deux sur la balance là, mais c'est pas encore les bouchons. Ça démarre doucement sous un ciel couvert. Il y avait un peu de pluie, hein, donc entre Sainte-Marie et Sainte-Suzanne, légère pluie, gros trafic. Attention, hein, il y avait un peu de ralentissement sur la partie haute de la montée de Bel Air. C'était presque touchette, hein, tellement les véhicules étaient prêts quand j'ai croisé ces véhicules tout à l'heure. Attention, hein, il y a quand même du trafic et un peu plus même que vendredi matin dernier. L'autre ralentissement démarre très fort, malheureusement pour vous. C'est déjà au niveau des changeurs de plateau cailloux jusqu'à Cambé. Ça sera encore difficile pour ce début de semaine. Les travaux n'étant prévus pour améliorer les changeurs de Cambé qu'à partir de ce soir et demain soir. Donc ça devrait s'améliorer un peu plus tard. Pour le moment, c'est déjà très difficile. Bon courage, bonne route et à tout à l'heure. Bonne route avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Allez, excellente route avec Réunion Première. Petite pause vite fait et surtout retour en musique dans quelques instants. Bonjour, comment ça va? Lionel Olivier sur Réunion Première. Lundi au vendredi de 11h à 14h. Bonjour Lionel. Je le vends à 400€. Vos petites annonces, les petites questions du quotidien résolues dans Pourquoi. Pourquoi? Pourquoi? L'histoire d'une chanson avec Fresh Pop, les dernières technologies. Et pour vous aider au quotidien, trucs et astuces à l'efficacité prouvée. C'est encore mis en première, en mode vacances, dès 11h. Sur Réunion Première. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première à 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Première. Bonne journée avec Réunion Première. Dans quelques instants, vous décrochez votre téléphone 02 62 99 2000 à gagner votre panier fraîcheur. Bah oui, un petit peu de légumes, tranquillement, sortis fraîchement du marché forain. 02 62 99 2000, décrochez votre téléphone maintenant, vous m'appelez. Allez, après Mehdi Gerville, Don't Care. Dans les oreilles, un petit bisou dans le cou. Et nous les bien ensemble, l'amour est tellement doux. Notre vie est plus pareille, notre amour t'est en sommeil. Et tous les jours, oui, m'y veut réveiller ensemble. Sentir au fond sur moi, il donne à moi des ailes. M'y veut voler ensemble jusqu'à grand matin. La nuit est tellement belle, c'est toi qui brille dans le ciel. Il veut aller écho devant l'éternel. Mon aimé, diamant, sa vive, mi veut d'un amour. Mon aimé, diamant, un présent ou qu'un pour toujours. Mon aimé, diamant, sa vive. Damn. n'imagine pas un seul instant vivre sans vous. Mon cœur n'est rouvert, n'a la place pour notre bonheur. Là devant où mime ta main à genoux. Mon aimé diamant, ça lui veut, m'y veut d'un amour. Mon aimé diamant, un place dans notre cœur pour toujours. Mon aimé diamant, ça lui veut, m'y veut d'un amour. D'un amour. Un petit bisou dans le cou. Oh, t'es, ça va être bon, c'est un grand matin, on arrive. Imagine à Ougain, un petit bisou dans le cou. T'es, ça va être bon, ça. Bonjour, Glantine. Ah, bonjour, Réunion Première. Oh, t'es, comment il est? Ça va. Ah, mais waouh, il est là, tranquille, grand matin. Ah, hé, qu'est-ce que ça a fait, là? Ah, ben là, je suis réveillé, faire un peu le. Ah, comment le rangement? Je vais travailler après. Mais où est stressé, quoi? Non. Non, mais Mika, tu le stresses, c'est moi, Miwa. Non. Je sais pas, on appelle à moi, on dirait. Où est-ce que causé? Non, mais ça fait longtemps, j'essaye de toi avoir la ligne. J'arrive pas. Ah, mais bah, là, maintenant, on est à l'antenne. Bon, Églantine, oui. Églantine, oui. Déjà. Oui. Alors, le panier fraîcheur, oui, il est presque pour vous-même. Mais, dis-moi un petit coup, là. Jean-Claude, oui. Machille. Jean-Claude Machille. Oui. Où ça il était tout à l'heure là? Dans quel bazar il était? Quelle ville? Dis-moi justement la ville où, c'est tout. À Saint-Denis. À Saint-Denis, vous êtes sûr? Ben, je sais pas parce que je me réveille, j'allume la radio, mais j'ai pas. Ah, hein? Écoute, là c'est soit vous êtes sûr, soit vous n'êtes pas sûr. Oui. Saint-Denis? Le lundi et Saint-Denis, oui. Eh ben alors, big up, ça met même bonne réponse, bravo. Ôté, oh, vous l'avez, où sont d'autres lits, ou gagnez cadeau? Oui, ah ben. Ah ben, big up, Réunion Première, non? Oui, c'est Réunion Première, hein. Ah, eh ben alors, bon alors. Ah. Allez, Églantine, oui. Un petit message, vite fait. Oui. Un petit message, on profite de la lantenne. Passe un petit coucou, profite. Un coucou à la famille. Oui. Et bon, à Réunion Première. Ça même. Ok, hein, le lundi matin ou pousse pas trop alors? Non. Bon, ben ok. Mais en bas, bien fort, avec l'antine, nous quitte surtout pas, d'accord? Moi aussi, Lucas. Merci beaucoup. Mais bon. Justement, nous, ça retrouve Jean-Claude Machiel là, directement chez Forain. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Jean-Claude Machir. Oui, bien toujours fidèle au poste. Bravo, félicitations. Et on vous écoute actuellement, attention, on vous suit. Hein. Précisément à la rue du mois de mai, mais je vous le disais, avec les forains, avec des bazardiers, avec les agriculteurs qui viennent livrer leurs salades. En ce moment, on a le cajou de salade qui arrive. Bonjour, vous venez d'où avec vos salades? Bonjour, je viens de la Bretagne et voilà, ce matin, j'ai de la salade fraîche et des brettes. Voilà, salade fraîche et des brettes qui sont là livrées. Je vous le dis, depuis 5 heures, ils sont en train d'appréhender les différents rayons. Alors, Rambo, le mot de passe pour tout à l'heure, on l'a choisi. Qu'est-ce que c'est le mot de passe? Alors, concombre. Voilà, concombre. Puisqu'on vous le disait, le concombre commence à se faire rare en ce moment à cause de l'hiver. Donc, ce sera votre mot de passe. Et on se retrouvera aux alentours de 10 heures du côté de la production dans un autre bazar. Vous viendrez avec ce mot de passe et vous repartirez avec votre panier garni. En tout cas, les fruits, les légumes sont bien là. La tomate, c'est entre 1 euro et 1,50 €. Vous avez de la tomate cerise. Vous avez tous les breads qui sont déjà sur les étals. De la très, très belle carotte pays qui vient d'arriver. La carotte, c'est entre 2 euros et 2,20 €. Vous voyez donc de quoi faire votre carré tout au long de la semaine. Excellente journée à l'écoute de Réunion Première et avec notre mot de passe, concombre. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Imagine azote, au thé, concombre, tomate, patate, un bon petit curry. Et en musique avec Kungs, This Girl sur Réunion Première, ça passe aussi très très bien. Excellent le titre, imaginez-vous là, vous sortez de la case tranquillement, vous prenez la route direction le boulot avec le son de Kungs, l'un des gros cartons actuels, c'est This Girl sur Réunion Première. Vos trajets en toute confiance, c'est l'heure des inforoutes avec Honda Moto. Mais attention, sortir de chez soi, mais avoir une bonne circulation, c'est bien aussi. Yves, du côté de la marine. À Sainte-Suzanne, eh ben oui. Alors. Ça s'est déjà un petit peu libéré par rapport à tout à l'heure. La bonne nouvelle, c'est que ça roule dans la droite de quartier français, que vous êtes à peine ralenti dans la courbe avant l'échangeur de la marine. L'échangeur lui-même, c'est plutôt roulant. Il y a un peu de monde dans la montée de Bel Air. Attention, un peu plus loin, au bout de la ligne droite de Chassagne, avant la ravine des Chèvres, il y a un automobiliste qui est en train de changer sa roue. Donc ça crée un ralentissement à hauteur. Il est en partie bande d'arrêt d'urgence, voie de droite. Donc attention, restez prudents. C'est en direction de Saint-Denis. Il y a un gros trafic quand même un peu dense au niveau du plateau de la Mare, mais c'est roulant ensuite pour arriver jusqu'aux portes de Saint-Denis en arrivant de l'Est. Provenance de la route du littoral, pas encore trop de difficultés. Les ralentissements se situent encore après la caserne Lambert, vers le giratoire avant le carrefour avec la route de la montagne. Par contre, mauvaise nouvelle pour vous qui circulez en provenance de la route des Tamarins, puisque c'est déjà quasiment à la sortie du tunnel du Cap Laousset. Grosse difficulté jusqu'à Cambay. Le problème de Cambay n'est pas encore résolu. Il faudra attendre demain matin, peut-être, on l'espère, donc après les premiers travaux de nuit donc en enrobé neuf qui se feront à partir de ce soir. Très bonne route. Attention, la chaussée est glissante ici et des tracteurs sont dans le trafic. C'était les inforoutes pour des trajets en toute confiance avec Honda Moto. Ah bah oui, alors prudence sur les routes, zolé dans l'ouest, zolé dans l'est, zolé dans le sud, dans le nord. Et décroche le téléphone, appelle à moi là, 02 62 99 2000. Regarde un petit peu comment ils roulent sur les réseaux routiers de l'île de la Réunion. Et puis un petit coucou aussi à celles et ceux qui nous écoutent hein, sur internet. Bonjour les expatriés, ou bonsoir aussi, sur réunion.lapremière.fr. Nous vous souhaitons une excellente matinée, une très bonne semaine. Vous écoutez Réunion Première, il est 6h30. Le journal présenté par Franck Marot. Bonjour. Bonjour Lucas, bonjour à tous. Les premières cannes ont été livrées à 6h. La campagne sucrière démarre ce matin dans le Nord et l'Est. Une campagne qui commence mal pour une quarantaine de planteurs. Ils vont devoir attendre 2 semaines avant de pouvoir acheminer leurs cannes. Explication dans ce journal. On parlera aussi de la solidarité réunionnaise. Une opération a été organisée ce week-end pour récolter des fonds. Son nom, tous avec Alexandre, handicapé suite à un accident au lycée. L'objectif est de lui installer la domotique à son domicile. Le football également, avec la qualification hier de l'équipe de France pour les quarts de finale de l'Euro. Les Bleus ont battu les Irlandais 2-1. Dimitri Payet était titulaire, mais il n'a pas marqué. Et puis le championnat de breakdance, c'était hier à Saint-Pierre. Beaucoup de monde pour regarder, mais aussi applaudir et danser. On y reviendra à la fin de cette édition. C'est parti, la campagne sucrière a démarré à 6h ce matin dans le Nord et l'Est. À peine parti et déjà un problème. Des agriculteurs sont sur le carreau, ils vont devoir attendre 2 semaines avant de livrer leur canne. Une quarantaine d'exploitants sont concernés suite au retard sur le chantier de la nouvelle plateforme de la Mare. Un chantier de 600 000 euros débuté il y a 5 mois. Et aujourd'hui, Tereos leur annonce 2 semaines supplémentaires difficiles à accepter pour les planteurs. Parmi eux, Jean-Claude Sautron, propriétaire d'une exploitation de 11 hectares à la Bretagne. C'est 2 semaines de travail en plus, quoi. Dès que les cannes sont coupées, 15 jours, 22 jours après, il faut commencer à désherber et mettre de l'engrais. Si c'est 2 semaines, ben après, ça repousse à 2 semaines à chaque fois, quoi. En plus, à une bonne canne brûlée, donc elle est d'autant plus touchée. Ah oui, oui, ben, c'est une perte totale. Hein. Comme la plateforme de la mare n'est pas prête encore, donc maintenant, une perte parce qu'à 100%, hein, parce qu'il faut attendre 2 semaines. Bon. Je pense que Maïssa est libre de travailler sur l'usine Bois Rouge. Hein. Maintenant, on n'aura pas le choix, mais on sera obligé. Hein. Fais le forcing. Et voilà. Jean-Claude Sautron, planteur de canne à la Bretagne, interrogé par Olivier de la Richaudie. Et en attendant l'achèvement des travaux, la CGPER a demandé à Tereos la remise en service partielle de l'ancien centre du quartier d'affaires. Prudence en tout cas sur la route, les cachalots sont de retour dans le nord et l'est. Prudence également aux abords de la Nordève à Saint-Denis. Un exercice y est organisé ce matin, une opération grandeur nature pour lutter contre le terrorisme. Ce sera à 8h, 70 policiers, 80 gendarmes, 30 sapeurs-pompiers, 300 figurants sont mobilisés. Tout cela dans le cadre du schéma national d'intervention présenté le 19 avril dernier. Un deuxième exercice de ce type est prévu à 10h au Cinépalme de Sainte-Marie. Attention, donc, si vous devez circuler dans le secteur, un périmètre de sécurité sera mis en place. Tous mobilisés pour Alexandre. C'était le nom de la journée de solidarité organisée ce week-end au dojo Pierre Grondin à Sainte-Clotilde. Alexandre, c'est ce jeune homme de 22 ans, handicapé depuis 7 ans suite à un accident en cours de sport au lycée. Les élèves du lycée Jean Perrin à Saint-André ont donc eu l'idée d'équiper la maison d'Alexandre en domotique. Il pourra ainsi tout contrôler grâce à une tablette, un équipement totalement adapté aux besoins d'Alexandre. Selon Bruno Cellier, professeur en électrotechnique au lycée Jean Perrin, c'est lui qui dirige le projet. Aujourd'hui, la domotique, c'est plus seulement du confort. C'est lié à la santé et au handicap. C'est-à-dire, on va offrir à travers les commandes à distance d'ouverture de portes, de volets roulants, d'éclairage, de gestion d'éclairage, de détection, de vidéosurveillance, toutes ces fonctions de commandes à distance à travers la domotique. C'est important pour moi de faire ce projet-là parce que c'est une technologie qui est en fait nouvellement enseignée. Le cas d'Alexandre, ça m'a touché, ça peut que nous toucher. Et il faut juste voir la mobilisation des gens qu'il y a autour de ce projet d'Alexandre. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on trouve encore une part d'humanité dans chacun à vouloir aider les autres. Bruno Cellier, professeur au lycée Jean Perrin à Saint-André, au micro Réunion Première de Lisourdel. Sur les 10 000 euros nécessaires, 6 000 ont déjà été collectés grâce à un financement de la région et aux dons des particuliers. Si vous voulez aider Alexandre, vous pouvez appeler le 06 92 76 08 92 ou le 02 62 58 84 40. Solidarité, toujours avec le dernier entraînement hier avant le Tour de Lille en Joëlette. C'était entre Saint-Philippe et Sainte-Rose. Le tout sous une petite pluie et parfois dans le brouillard. Les Joëlettes, ce sont ces fauteuils de randonnée pour les personnes à mobilité réduite. Et parmi les porteurs, il y a Jean-François Técher qui vient tout juste de rentrer dans l'association Aventure Joëlette. J'avais l'habitude de faire un petit peu de course à pied. Et puis, il y a 15 jours de cela, il y a eu la course dure et étant salée. Et là, ben, je connais Jimmy, qui pourtant était un voisin, mais je le voyais passer dans sa voiture. Et puis là, j'ai donné un petit coup de main, et puis maintenant, je suis dans l'association. Et puis, c'est une expérience à vivre, parce que nous qui sommes valides, au moins un petit pépin, on se remet en cause. Et là, quand on voit les handicapés, il y a 15 jours de ça, quand j'ai été installé, croyez-moi, on a des frissons qui ne vous portent pas beaucoup le coup, parce que c'est une chose à vivre. Et je crois que je suis rentré dans l'association maintenant, et je pense que chaque fois qu'ils auront besoin de moi, je serai là. Jean-François Técher, bénévole à l'association Aventure Joëlette, interrogé par Céline Roland. Le tour de l'île en Joëlette aura lieu du 10 au 17 juillet. Réunion première, 6h35. Et alors, après le tour de l'île en Joëlette, transition toute trouvée. Alors, maintenant, place au sport, Florent. Eh oui, quelques résultats avant de parler de la qualification de la France à l'Euro de foot en cyclisme. Cédric Gasnier s'est de nouveau imposé hier après le championnat régional sur route. Le Dionysien a remporté le Grand Prix Stéphane Sidat au Liane. En football, on jouait hier la fin de la 8e journée de D1R. Sainte-Suzanne a battu la Saint-Pauloise 2-1. Victoire de la Petite-Île face au RC Saint-Benoît 2-0. Enfin, la Saint-Louisienne a fait match nul 1 partout sur le terrain de Sainte-Marie. Football toujours avec, on y vient, la qualification hier des Bleus pour les quarts de finale de l'Euro. La France a battu l'Air 2-1, doublé d'Antoine Griezmann en seconde période. Les Irlandais avaient ouvert le score sur pénalty dès la deuxième minute. Dimitri Payet était titulaire avec la France, moins en vue que lors des premiers matchs. Le Réunionnais garde la confiance du sélectionneur, une confiance partagée avec les supporters réunionnais nombreux hier dans les bars du chef-lieu. C'est jamais facile, hein, mais on a une équipe relativement jeune, nouvelle, hein, faut le temps qu'ils se découvrent, et jusque-là, ils nous prouvent qu'ils arrivent à travailler en collectif, donc j'ai confiance pour la suite. Comme c'est parti, on a un capitaine confiance, je pense, qui est vraiment très ouvert. Comme on a vu, les attaquants sont là au niveau de la tête et du duel aérien, donc on attend un bon milieu de terrain surtout. Là, maintenant, on est en quart de finale, il faut se dire une chose, avec tous les cartons jaunes qu'on a eus, tous les suspendus qu'il y a, il y a juste un monsieur qui va avoir un problème. L'équipe type qu'il a mis maintenant, il va falloir l'oublier. Mais on y croit quand même. Là, c'est encore une petite équipe, l'Irlande, mais j'espère qu'on aura des grosses équipes, là, la France sera là. Après, on a eu des occasions, ça s'est concrétisé, mais difficilement. J'espère que pour la suite, ça va continuer. Allez les Bleus ! Des réactions recueillies par Olivier de la Richaudie. La France jouera donc dimanche en quart de finale contre le vainqueur du match Angleterre-Islande. Match prévu à 23h ce soir en direct sur Réunion Première. À 20h, l'Italie affrontera l'Espagne. L'Euro de foot qui donne des idées au CVIF, le collectif pour l'élimination des violences intrafamiliales, organisé hier l'opération Carton Rouge à Brapanon. Carton Rouge pour les violences faites aux femmes. Une dizaine d'associations étaient présentes sur le stade Paul Moreau. Comment améliorer la prise en charge des femmes battues? Des idées ont été avancées. On fait le point avec Priscilla et Tev. J'ai ma femme qui a été victime de violences physiques par son ex-conjoint, donc je soutiens l'action. Didier estime qu'il y a encore beaucoup à faire et surtout à améliorer pour protéger les femmes victimes de violences, notamment au niveau des forces de l'ordre. Quand elle appelle au secours, on lui pose la question s'il y a du sang ou pas. S'il n'y a pas de sang, il ne se déplace pas. Il n'y a pas que la violence physique, il y a la violence morale. Il faut qu'il mène une enquête, même s'il n'y a rien, même si c'est une fausse plainte. Le but est que ça ne soit pas vrai, justement. De son côté, Belinda pense que le pire pourrait être évité si le couple était accompagné dès le départ. On interpelle les assistantes sociales, ces assistantes sociales font un travail avec ces femmes, comprendre pourquoi elles vivent dans la violence. Et après, l'homme doit comprendre pourquoi il bat sa femme. Est-ce que c'est les films? Est-ce qu'ils sont inférieurs à la femme? Et plutôt l'homme comprend, mieux c'est. Du coup, la meilleure arme, selon Nicolas, c'est la prévention. Surtout auprès des jeunes, ceux qui feront le monde de demain. C'est comme une mauvaise herbe. En la traitant dès le départ, la mauvaise herbe sera éliminée et si on la laisse trop pousser, ça va devenir une habitude. Pour eux, ce sera normal, alors que non, c'est pas normal, c'est pas quelque chose à faire. Mais si les solutions ne semblent pas manquer pour lutter contre ce fléau, aujourd'hui la plus grosse difficulté, c'est d'oser briser le silence. Un silence qui peut parfois être fatal. Depuis le début de l'année, 5 femmes sont mortes à La Réunion sous les coups de leur conjoint. Et ces solutions avancées hier seront prises en compte lors des états généraux sur les violences conjugales. Ce sera au mois de novembre, une première dans l'île. Dans le reste de l'actualité, peut-être bientôt un vaccin contre la dengue et le Zika. Dans une étude menée par l'Institut Pasteur, le CNRS et l'Imperial College de Londres, des chercheurs ont trouvé des anticorps qui seraient capables de neutraliser les deux maladies. Félix Rey est responsable du laboratoire de virologie structurale à l'Institut Pasteur. Il a participé à cette étude. Il y a quelques années, nous avions réussi à trouver qu'il y avait certains anticorps chez certains patients qui étaient capables de neutraliser tous les cas, des 4 types de dengue. Alors, quand il y a eu la crise des Zika, on a réalisé qu'il y avait des similarités entre dengue et Zika, et on s'est dit, est-ce que ces anticorps pourraient être efficaces aussi contre Zika? Et on l'a essayé, et on a vu qu'effectivement, ils étaient très efficaces. Par contre, les anticorps qui s'effectuent ailleurs, ils peuvent neutraliser seulement le virus du type initial, mais quand vous avez un autre, que ce soit un autre type ou que ce soit Zika, ils aggravent la maladie. Donc, ceci implique que si nous arrivons à fabriquer un vaccin qui permette de soulever des anticorps contre ce site et pas contre les autres, vous avez un vaccin très efficace contre les quatre dengue et le Zika. Félix Rey de l'Institut Pasteur, interrogé par Serge Massot. 3, 2, 1, battle. C'est le signe pour les B-Boys et les B-Girls. Ils ont participé hier au championnat de breakdance organisé par l'association 430 à Saint-Pierre et le public a répondu présent. Beaucoup de monde pour regarder mais aussi applaudir et danser. Les équipes, elles, se sont affrontées devant un jury international. Luc a 11 ans, il fait partie du club Cœur de Rue et il est venu avant tout pour se faire plaisir. C'est plutôt facile au début mais après il faut bien s'entraîner sinon on se fait des bleus partout. Comme celui que j'ai ici. Tu t'es fait ça comment ? En faisant une couple qui consiste à tourner sur soi-même. Et ça a mal tourné ? Oui, ça a mal tourné. Mon nom de B-Boy, c'est Skywalker. Soit ceux qui n'ont pas envie d'avoir des noms, on les appelle comme ils s'appellent. C'est pour gagner en même temps participer. Ce qui me plaît, c'est qu'on danse, on est heureux, c'est un bon sport, je trouve. Oui, ça fait plaisir. Luc, adepte de breakdance, il a 11 ans, au micro Réunion Première de Sophie Persson. C'est la fin de ce journal, la suite sur Réunion Première avec Lucas. L'info revient à 7h. Eh ben oui. Oh là là. Mais ça s'enchaîne quand même le matin sur Réunion Première. Excellente Mathilde, bienvenue chez nous. Il y a un beau temps qui se profile apparemment. Mais bon, on aime bien savoir aussi quel temps il fait du côté de chez vous. Bonjour Camille. Bonjour. Comment il est ? Il est là, même. Ah, on réveille tout doucement. Ah, ça va, réveillé depuis 5 heures. Le bouclier en l'air depuis 5 heures. Où ça travaille qu'elle est ? Où ça travaille qu'elle est ? Mais en fait, de formation, il est maçon. Mais là, aujourd'hui, il passe un autre registre, ça change, en fait, ça change de métier. Ah, bon, mais... écoute. Écoute, ben, fais cette ouverture, mais dis-moi quel temps il fait du côté du port, c'est ça ? Ah, ben là, c'est beau, hein. Le port, donc, le temps, ça va, tranquille? Ah, il fait beau, il est dégagé. Il est un petit peu frais, mais bon. C'est oui, parce que, ça, hein. Parce que le vent, il souffle encore un petit peu. Bon, ça va, pas trop? Non, pas trop. Bon, en tout cas, du bon, côté du port, le temps, il est bon. Ah oui. Alors, vite fait, un petit message à l'antenne, Camille. Ben, big up à ça, big up toute l'équipe. Et bonjour à la Réunion. Mais si mon bon aussi est là, mais ça va. Et voilà, et ben, j'ai fait mon moment de suivi aussi en même temps. Eh ben, on complique pas la vie, d'accord ? Mmh. Merci beaucoup Camille, bonne journée. Allez, bonne journée. Et bonne semaine avec Réunion Première. Roulez tranquille en suivant l'inforoute avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Ah oui, il faut drive cool, surtout il faut aller tout doucement, tranquillement, c'est début de semaine. Yves Gruyé, bonjour. Oui, mais Lucas, donc avec des ralentissements qui démarrent sur la partie haute de la montée de Bel Air, donc juste après l'échangeur de Bagatelle, début de la sortie de l'échangeur nord hein, qui sort du centre-ville. C'est ralenti, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, pas forcément à cause des tracteurs en ce moment. En tout cas, il y en a quelques-uns qui sont passés, mais là, c'est plus dû à ce véhicule qui est en train de changer, à le conducteur qui est en train de changer la roue de son véhicule, donc crevé juste avant la ravine des chèvres. Donc, c'est surtout ça. Après, le trafic reste de toute façon assez dense en première partie jusqu'au Jacques. Après, ça se libère quand même pour rentrer sur Saint-Denis. Donc, pas encore de difficultés depuis du parc Gillot et la ligne droite de la Jamaïque à l'entrée est. Entrée ouest, attention, sortie tunnel du Cap Bernard pour les ralentissements. Alors, j'ai pas pu vérifier malheureusement si le feu a été remis en fonction sur le boulevard Sud. Feu qui était resté au noir juste au carrefour du Lavoir, c'est-à-dire la sortie de la Providence au niveau de la rue Mazagran. Donc c'est un carrefour dangereux quand ça ne fonctionne pas. On a eu par le passé, il n'y a pas très très longtemps, deux accidents l'un derrière l'autre. Donc attention, restez prudents, en espérant que ça a été rétabli dans la journée. En tout cas hier, parce que c'était pas fait donc hier matin. En ce qui concerne le trafic à l'entrée ouest de Saint-Denis, sortie tunnel, comme je vous le disais, donc ça commence à ralentir légèrement à la fin de la route du littoral, mais c'est surtout sous le tunnel du Cap Laoussé, donc là, grosse difficulté pour rejoindre Cambay. Il faudra être encore patient pour ce début de semaine, vous qui circulez de la route des Tamarins vers le nord. Bonne route avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Restez à l'écoute de Réunion Première en ambiance. Votre début de semaine avec Alain Ramanissom juste après la pause sur la Première. Allô Première, pendant les vacances, de 8h à 11h. Isabelle Waron. Tous les jours, un chef cuisinier sera là pour partager son bonne recette. 9h, les experts vont continuer à aider Azote avec toutes autres bonnes problèmes, même pendant les vacances. Et puis je vous donnerai des idées de sortie pour occuper les marmailles. Allô Première, de 8h à 11h. Très bonnes vacances sur Réunion Première. Zatiam devinette? Devinez. Cosa, les gratuites. Les zones 5 à couvert VA et Asper Azote dans votre pharmacie. Il ne peut pas s'en passer, c'est tellement les gaillards pour la sécurité de toutes. Alors, comment ça il est? Ben oui, si le petit bac ou en sieve pour traiter ça qui pique, des aiguilles, seringues, sans lancette, ça pour contrôle diabète là. Si vous faites autre soin ou tout seul, et si vous voulez connaître un peu plus comment prothèse à ou sans autre famille, viens voir sur dastri.fr. D-A-S-T-R-I, Dastri, ou en sieve, ou tri, et ni ramasse. Il fait plaisir à voir à vous préparer un bon curry, mon chéri. Oui, un curry, il faut préparer lit. Vous connaissez une retraite aussi. On a bientôt 62 ans. Il faut regrouper de papier dès maintenant. Il n'est pas automatique? Non, il faut vous déposer votre dossier retraite complet 6 mois avant la date prévue. Au moins, vous serez sûr d'être payé dans les temps. Un conseiller retraite CGSS, il peut aider à vous. Futur retraité, pour bénéficier de votre retraite dans les temps, contactez le 3960 et déposez votre dossier complet 6 mois avant votre départ. Service 0,06 centimes d'euros la minute, plus prix d'un appel local. Première. Au fin senti-moi blessé d'un profond molly qui aime mon sentiment. Quand il n'a personne pour comprendre moduler. Au fin senti-moi piégé. Et dans mon qui dit pas qu'il n'a bien seul, pour comprendre du lien qui m'a tchappé vie. Au fin d'un doigt tout mon amour, mon légué avait tout ce qui lui tienna. Je pas fin connaît comment pour préserver. À celle-là qui n'arrivait, mon légué mon épli en vie pour d'assez. Au fin d'un préféra qui m'a vivre pour la vie. À celle-là de pédia qui te pousse en c'est quand vous dois mon épli et nanogné. À la réfère de la vie. Parce qu'il m'a aussi m'a fin sans et crois-moi, mon n'a pas regret n'en y est. Faut pas repose-toi n'en y est. Mauvais histoire, comprends, m'en vivre libre. Si c'est ça qui doit faire l'amour, on verra qu'il nous reste célibataire. Tout ça nous vit plus serré. Problème jamais prédisté. Si c'est ça qui doit faire l'amour, on verra qu'il nous reste célibataire. Tout ça nous vit plus serré. Problème jamais prédisté. Qui doit faire l'amour, on verra qui nous reste célibataire, où ça nous vit plus serré. Problème d'âme est existé, si c'est ça qui doit faire l'amour, on verra qui nous reste célibataire, où ça nous vit plus serré. Problème d'âme est existé. L'amour, après l'histoire du ciel de tout point. Je t'allais, je t'envole le tout bronze. Faut que tu aies ce qui n'amouré. Le peuple au poussé qui va content toi. Je dis, mauvine pour mon bonheur. Et l'amour qui verra de la vie. M'aurait merci, bon Dieu, pour ça. Parce que l'amour se douler. Il fait souffrir, il fait pleurer. Il fait la tête fatiguée. Maman Dieu, tu sens l'abusé, arrêtez. Arrête, tiens, je t'aime d'imposter. Arrête, prends l'amour, point de suer. Parce qu'il a haut et n'a un bon Dieu qui poussise, tu te baisser. Qui connaît qui te donne danser. Pour tout ça, pas de qui est qui te casse. Si c'est ça qui doit faire l'amour, on ira qui nous reste célibataire. Pour ça, nous vivons plus serré. Problème jamais préexisté. C'est ça qui doit faire l'amour. On verra qui nous reste célibataire. Pour ça nous vit plus serré. Problème jamais préexisté. C'est ça qui doit faire l'amour. On verra qui nous reste célibataire. Pour ça nous vit plus serré. même jamais pu exister. Mais c'est ça qui t'appelle l'amour. Bon, mais Gay pas chanté de vrai, peut-être, mais bon, c'était Alain Ramanisom, Souffrance, l'amour sur Réunion Première. Excellente matinée, bon début de semaine, et pourquoi pas commencer cette semaine avec un bon pronostic et surtout, franchement, les bons chevaux à jouer. Eh ben oui, chez nous, on a Pascal Maillot, Monsieur Pronostic Hippique. Alors sachez-le, la prochaine course aura lieu donc sur l'hippodrome de Chantilly à 10 à 15h47. Voilà. Alors dans la tirelire, il y a 2 900 000 euros. Ça en fait beaucoup de sous. Et Pascal Maillot, lui, vous conseille de jouer le 5, le 11, le 4, le 10, l'As, le 7, le 2, le 6, et en cas de non partant, le 8. Donc je vous rappelle le pronostic de Pascal Maillot, le 5, le 11, le 4, le 10, l'As, le 7, le 2, le 6, et en cas de non partant, le 8. Et du côté de notre partenaire, le petit fouineur du Gire, lui, il vous conseille de jouer le 5, le 7, le 6, l'As, le 11, le 4, le 14, le 10... Le petit fouineur du Gire, donc 5, 7, 6, As, 11, 4, 14, 10. Bah, tranquillement, j'espère que ça va bien se passer pour vous. On commence notre matinée tranquille, bonne semaine. Certains commencent déjà à penser aux vacances. Oui, vacances peut-être, mais vacances aussi en musique. Ça serait bien aussi, avec un petit son de Bastia pour bien débuter la journée. Les routiers, les routières aussi, on vous salue. Les ménagers, ménagères. Et puis surtout, celles et ceux qui vont emmener les marmailles à l'école encore pour ce matin. Comment ça se passe pour vous là? Décroche de téléphone 02 62 99 2000 ou sinon 06 92 608 335. Bastia, mon pays, notre pays, mon noir, c'est la Réunion. Oh, Rouvez-Azodier, oui. Mais Rouvez-Azodier, ben, quoique grand matin comme ça, lundi matin, la France a fini de gagner. Ben écoute, Rouvez-Azod, a fini de gagner un petit match de 1. Allez, cinéma, ça serait bien aussi quand même, non? Ah, et ben alors, 02 62 99 2000, décroche votre téléphone, appelle à moi maintenant tout de suite. Fais vite, sûrement, fais vite, parce que mon Namouni, ah là-bas, Namouni sonne déjà là sur le 02 62 99 2000 pour gagner votre place pour aller cinéma avec notre partenaire qui est bien sûr Moré Film. Il y a des places pour donc ce film, ils sont partout. Ils sont partout, mais ils sont surtout sur Réunion Première. Alors, la seule chose que me demande Azot, c'est juste une petite réponse à ma question. Et Azot verra que c'est super simple, super simple. Réunion Première, où ça nous l'est maintenant? Où ça nous l'est basé là maintenant? Si Azot, il y a moins, où ça Réunion Première, il est au 02 62 99 2000, Azot y gagne, Azot de place pour aller cinéma. Écoute, mais décroche au hasard, et n'envoie ce qui tombe. Réunion Première, bonjour. Réunion Première, bonjour. Bonjour, c'est France de Sainte-Clotilde. C'est France de Sainte-Clotilde. Il fait rien. Ben oui. France, sinon ça, comment elle est? Elle est là, le vent est fort dehors. Le vent est fort dehors? Ah oui. Oui, sûr. Ah oui, ma fille s'en tire ce matin dehors. Côté, ah. Ben, où sont de bonheur, oui? Ah, rien. Hein, bon. France. Oui. Réunion Première, où ça il est? La Technopole en l'air là-bas. La Technopole, mais quelle ville ça? Ville Saint-Clotilde, ville de Saint-Denis. Ville Saint-Clotilde. Ville non, de Saint-Denis. Saint-Denis, mais à Saint-Clotilde. Eh ben oui, bravo! France, félicitations, oui. Cadeau pour vous. Merci. Côté, deux petits places cinéma, tranquille, ça regarde les bons petits films. Oui, bon, on a de la chance, oui. Ah oui. Bon, France, passez un petit message. Bonjour à tout le monde qui me connaît. Oui. Voilà, ben, bonne journée à tous et merci à Réunion Première que j'écoute. Toujours. Bon, ben ok, ben, pas de problème. Merci beaucoup. Gros bisous pour vous, gros bisous pour toute la famille. Et alors, vite fait là, la France, t'es bon ou t'es pas bon? T'es bon? Ah, t'es bon même. Bon, merci beaucoup. Quitte surtout pas. Mais nous l'a arrivé. Ah ben oui, vous l'avez vu, nous la bataille, oui. Ah bien sûr. Nous la bataille avec, mais nous arrivé même. Espérons la suite. Merci beaucoup, France. Mais embrassons bien fort. Et puis, ou quitte surtout pas, d'accord? D'accord. Merci beaucoup, France. Au revoir. Votre trajet en toute confiance, c'est l'heure des inforoutes avec Honda Moto. Bah oui, la route toujours, et du côté de Franche-Terre, comment ça se passe, Yves? Un petit peu mieux, puisque ça se libère un peu sur cette ligne droite de Chassagne, véhicule donc il a pu repartir après le changement de roue tout à l'heure pour ce conducteur, justement Ravine des Chèvres, et puis alors par contre ça reste quand même ralenti à hauteur de cette Ravine des Chèvres pratiquement jusqu'au Jacques, et puis après bah, c'est roulant pour arriver jusqu'à Saint-Denis, moins de difficultés quand même ce matin malgré la présence de quelques tracteurs, ils sont pas très nombreux pour le moment comme chaque début de campagne, attention il y a beaucoup de vent ici dans l'Est, et puis la chaussée qui reste encore mouillé puisqu'il avait un peu plus ce matin et le ciel menaçant au large. La circulation donc se faisant encore avec ralentissement juste à l'entrée du tunnel du Cap Bernard, donc ça c'est pour vous qui arrivez de la route du littoral avec un pont vite sans dégager. Confirmation, hein, donc la police a même appelé ce matin le CRGT pour essayer d'appeler le service concerné par la remise en route de ces faux tricolores qui ne fonctionnent pas depuis hier au carrefour de la rue Mazagran avec le boulevard Jean Jaurès. Attention, c'est très dangereux, c'est un carrefour où il y a eu plusieurs collisions donc lors du passé donc dans cette situation. Et puis la circulation bien ralentie, malheureusement pour vous, sur la fin de la route des Tars, hein, depuis l'entrée du tunnel du Cap Laousset. Donc ça sera encore long et difficile pour aller rejoindre Cambay ce matin. Très bonne route. C'était les inforoutes pour des trajets en toute confiance avec Honda Moto. Vos messages, vos dédicaces, vos anniversaires, 0262 99 2000, 06 92 608 335. Vous écoutez Réunion Première, il est 7h. Le journal présenté par Florent Marot, bonjour. Bonjour Lucas, bonjour à tous. La France est en quart de finale de l'Euro de foot. Ce sera dimanche face à l'Angleterre ou l'Islande. Hier, les Bleus avec Payet au coup d'envoi ont éliminé les Irlandais. 2-1, doublé de Griezmann. Mais que ce fut dur. Reportage dans un instant. Attention, si vous devez vous rendre d'ici une heure à la Nordève, une simulation d'attaque terroriste y sera organisée. Un exercice appelé tuerie de masse. Force de l'ordre, pompiers, figurants, près de 500 personnes sont mobilisées. Explication à suivre. C'est parti. Depuis 6h, la campagne sucrière démarre ce matin dans le nord et l'est, mais déjà un problème, une quarantaine d'exploitants devront attendre 2 semaines avant de pouvoir acheminer leur canne. Pourquoi ? Réponse dans ce journal. Et puis on parlera aussi de cette solidarité réunionnaise, solidarité pour Alexandre, handicapé depuis 7 ans. Une opération a été organisée ce week-end pour récolter des fonds et lui installer la domotique. On en reparle à la fin de cette édition. La France sera bien au rendez-vous des quarts de finale de l'Euro de football. Les Bleus ont éliminé l'Air 2-1 hier, un doublé d'Antoine Griezmann. Dimitri Payet était titulaire pour le plus grand plaisir des supporters réunionnais. Beaucoup ont suivi ce match face aux Irlandais entre amis, sur grand écran ou encore dans un bar. Des supporters qui sont passés par toutes les émotions hier. Olivier de la Richaudie était avec eux dans un bar de Saint-Denis. La France en quart de finale de l'Euro de football, c'est l'explosion de joie chez les supporters tricolores. Il fallait s'y attendre, hein. Après les Anglais, c'est les Irlandais qui sortent de l'Euro. Hein. Et si certains se permettent de fanfaronner, c'est certainement pour oublier le cauchemar de la première période. À la deuxième minute de jeu, l'Irlande ouvre le score sur un pénalty. Ils ont 3 gauchers en phase offensive, ils font un centre, un défenseur qui glisse. Et après la faute débile de Pogba, c'est triste. Malgré une première période poussive, les supporters veulent tout de même croire à la victoire. Physiquement, ils sont menés, donc ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner. Là, on voit bien, il y a plus d'occasions pour la France. La France se montre plus dangereuse. Là. Le sursaut tricolore ne tarde pas. À la 58e minute, Antoine Griezmann égalise et délivre les supporters. On respire, c'est difficile, mais je pense que ça se terminera quand même par une prolongation. Un partout, mais victoire de la France à la 112e minute, but de Payet. Mais c'est encore Griezmann qui amène la joie dans le cœur des passionnés. Il creuse l'écart 3 minutes seulement après son premier but. Antoine Griezmann, l'homme du match. Pour autant, les Réunionnais restent fidèles à l'enfant du pays, sûrs d'assister à ses prouesses au prochain match. Et la France jouera dimanche en quart de finale contre le vainqueur du match Angleterre-Islande. Match prévu à 23h ce soir en direct sur Réunion Première. À 20h, l'Italie affrontera l'Espagne. Carton rouge et on ne parle plus de foot mais de violences faites aux femmes. Le CVIF organisait hier à Brapanon une opération de sensibilisation, une opération appelée carton rouge aux violences intrafamiliales. De vrais cartons ont d'ailleurs été distribués. Objectif, améliorer la prise en charge de ces femmes battues mais aussi faire connaître les associations qui luttent contre ces violences au quotidien. Des associations trop souvent méconnues, déplore Rolande Casal, présidente de l'AFECT, l'association féminine de l'Est. Comme on en parle juste le 25 novembre, la journée internationale lutte contre les violences faites aux femmes, je pense que c'est pas suffisant. Tout le monde devrait être concerné hein, à ce sujet, les collectivités, tout le monde, les hommes et les femmes, on est concernés pour ça. Et je pense que moi, dans Saint-Benoît, c'est vrai que je ne peux pas dire que je sois bien connue, mais peut-être aussi demander à la mairie de s'investir un peu plus. On a vraiment un manque de moyens. Souvent, des fois, on se retrouve avec très peu d'argent. On essaye de faire de notre mieux, de sensibiliser, de voir auprès des politiques, mais bon, apparemment, on n'a pas trop d'écoute de ce côté-là, hein, ou peut-être aussi, on se retrouve toujours confronté à ce problématique de financement. Roland de Casal, présidente de l'AFECT, l'association féminine de l'Est, au micro Réunion Première de Priscilla et Thève. Depuis le début de l'année, à La Réunion, 5 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint. Des solutions évoquées hier seront prises en compte lors des prochains états généraux. Ils auront lieu à La Réunion au mois de novembre. Une première dans l'île. Un exercice grandeur nature pour lutter contre le terrorisme après les attentats de Charlie Hebdo, ceux de Paris ou encore d'Orlando. Un schéma national d'intervention a été présenté le 19 avril dernier. Chez nous, donc, dans le cadre de ce nouveau système d'intervention, deux exercices appelés tueries de masse sont programmés ce matin. Le premier aura lieu à 8h à la Nordève à Saint-Denis. Le second à 10h au Cinépalme de Sainte-Marie. Les précisions de Mélodie Nourry. Les scénarios élaborés par les services de police et de gendarmerie prévoient l'attaque de terroristes armés lors d'un colloque au parc des expositions, puis une attaque au Cinépalme. Les opérations vont mobiliser 70 policiers, 80 gendarmes, 30 sapeurs-pompiers et 300 figurants. Pilotés par les services de la Direction départementale de la Sécurité publique et du commandement de la gendarmerie de La Réunion, ces exercices grandeur nature ont plusieurs objectifs. D'abord, tester la chaîne d'alerte au titre de la rapidité de mobilisation des moyens. Ensuite, voir comment s'organise le commandement et le partage de l'information. Et puis, il s'agira aussi de mettre à l'épreuve les procédures d'intervention des services de police en termes de réactivité et d'opérationnalité. Enfin, les deux mises en scène ont aussi pour but d'expérimenter la coordination des forces de l'ordre et des secours, combinant mise en sécurité des sites impactés et aide aux victimes. Et attention, si vous devez circuler dans le secteur, un périmètre de sécurité sera mis en place. Des perturbations de la circulation sont prévues. Réunion première, 7h06. Alors, Florent, ils sont de retour. Les cachalots roulent de nouveau dans le nord et l'est. Eh oui, la campagne sucrière démarre ce matin. Les premières cannes ont été livrées dès 6h. Ça roule donc pour les planteurs. Enfin, pas pour la totalité d'entre eux. Une quarantaine d'exploitants devront attendre 2 semaines avant de pouvoir acheminer leurs cannes. En cause, le retard sur le chantier de la nouvelle plateforme de réception de la mare, un projet lancé il y a 5 mois qui doit coûter 600 000 euros. Alors en attendant la fin des travaux, la CGPER demande à Tereos la remise en service partielle de l'ancien centre du quartier d'affaires. Jean-Yves Minacci, le président du syndicat agricole. Quand Tereos nous dit comme ça, il faut attendre 2 semaines. On ne peut pas attendre 2 semaines parce que en été, les coûts de sable du coupeur diminuent. Attendre 2 semaines pour commencer. Ceci est certain, comme tous les ans, nous aurons des pannes d'une sucrière, telles que bois rouge ou autre. On va prendre aussi du retard s'il y a de la pluie. Et ce qu'on propose, nous, c'est que l'ancienne balance se trouve à proximité, même pas à 350 mètres du nouveau centre. On demande qu'on pèse toujours sur l'ancienne balance. Et le point de décharge, on peut décharger à proximité du nouveau centre. On a de la place. Jean-Yves Minacci, président de la CGPER, au micro Réunion Première d'Olivier de la Richaudie. Un technicien agricole, pourquoi pas, candidat à la présidentielle de 2017. On n'en est pas là, mais Frédéric Amani fait partie des 204 candidats à la candidature recensée sur le site laprimaire.org, une association de loi 1901 qui organise une primaire pour les citoyens. À la fin, il n'en restera donc qu'un, et Frédéric Amani, technicien agricole, donc à la Chambre d'agriculture, espère bien être celui-là. Sophie Persson l'a rencontré. Frédéric Amani souhaite se présenter à l'élection présidentielle et il a donc déposé son programme sur le site primaire.org. Mon programme porte surtout sur la modification de la macroéconomie. Et actuellement, nous sommes dans un système de libre-échange total. Moi, ce que je propose, c'est de passer à un libre-échange régulé. Se présenter seul, sans parti, c'est quasi impossible et Frédéric Amani le sait bien. Totalement impossible. On le sait, d'une part pour des raisons financières, d'autre part pour des raisons logistiques. Laprimaire.org assure toute la logistique qui permet justement un citoyen d'y être. Mais avant d'être le candidat de laprimaire.org, il faut convaincre et avoir des soutiens. C'est la crise grecque qui lui a donné envie de faire de la politique. C'est l'histoire de la Grèce qui m'a donné envie de me bouger, de faire en sorte que le monde bouge, la société bouge, pour justement ne pas se retrouver dans ce genre de situation. Et Frédéric Amani a déjà une idée de sa première mesure s'il entre à l'Élysée. Ma première mesure sera de travailler sur tout ce qui est régulation des marchés. Faire en sorte que les entreprises qui produisent des produits de qualité en France ne soient pas concurrencés par des produits qui ne sont pas aux normes françaises. Avant cela, il a déjà besoin de 500 soutiens localement avant de poursuivre l'aventure. Et laprimaire.org qui a aussi lancé une campagne de financement participatif. Cette opération de solidarité est maintenant tous mobilisés pour Alexandre. C'était ce week-end au dojo Pierre Grondin à Sainte-Clotilde. L'objectif était bien sûr de récolter des fonds pour ce jeune homme de 22 ans. Devenu handicapé il y a 7 ans suite à un accident en cours de sport au lycée, Alexandre se bat au quotidien, ce qui a touché les élèves du lycée Jean Perrin de Saint-André. Ils ont un projet, équiper la maison d'Alexandre en domotique pour lui permettre de tout contrôler grâce à une tablette. Pour Céline Parvédi, la maman d'Alexandre, ses soutiens sont précieux pour son fils et sa famille. Quand on est handicapé, même s'il y a des lois, même s'il y a tout ça, c'est difficile. C'est difficile de vivre avec un handicap. Et lui, il a toujours ses projets. On fait tout pour l'accompagner. On fait tout pour que ses rêves, même si ce n'est pas des projets qui vont être réalisables tels quels, mais ses rêves aboutissent, ses rêves de jeunes, avoir une vie sociale, avoir une vie professionnelle, avoir une vie de famille, fonder une famille, tout ça, ça reste ses projets. Donc, quand M. Cellier nous a dit, il y a ce projet-là, est-ce que vous pouvez venir ? Je dis, mais Alexandre n'est pas là, mais moi, je pourrais être là. Donc, j'ai appelé Alexandre, je lui ai expliqué. Il a dit, maman, mais c'est pas possible, les gens sont gentils, hein, les gens sont... voilà. Céline Parvédi, la maman d'Alexandre, au micro Réunion Première de Lisourdel. Et sur les 10 000 euros nécessaires, 6 000 ont déjà été collectés grâce à un financement de la région et aux dons des particuliers. Alors si vous voulez aider Alexandre, vous pouvez appeler le 06 92 76 08 92 ou le 02 62 58 84 40. Dernière ligne droite avant le tour de l'île en Joëlette. L'ultime entraînement a eu lieu hier entre Saint-Philippe et Sainte-Rose. Les Joëlettes, ce sont ces fauteuils de randonnée pour les personnes à mobilité réduite. Pour les aider, des bénévoles sont présents et tous font partie de l'association Aventure Joëlette. Le tour de l'île en Joëlette aura lieu du 10 au 17 juillet. Et justement, on reparle sport dans ce journal avec du football et la fin hier de la 8e journée de D1R. Sainte-Suzanne a battu la Saint-Pauloise 2 buts à 1. Victoire de la Petite-Île face au RC Saint-Benoît 2-0. Enfin, la Saint-Louisienne a fait match nul, 1 partout sur le terrain de Sainte-Marie. Et puis en cyclisme, Cédric Gasnier s'est de nouveau imposé hier après le championnat régional sur route. Le Dionysien a remporté le Grand Prix Stéphane Sidat, Oliane. C'est la fin de ce journal. La suite sur Réunion Première avec Lucas. L'info revient à 7h30. Alors, vite fait, un petit point sur cette météo. On va dire que pour ce matin, la matinée commence vraiment allez, plutôt bien, malgré quelques nuages ici et là sur notre département. Le temps va aussi être un petit peu plus clément durant cet après-midi, avec quand même quelques petits paquets nuageux le long des remparts ainsi que dans les hauts de Saint-Paul qui débordent ensuite vers le littoral. Roulez tranquille en suivant l'inforoute avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Eh ben on va dans l'Est. Bah oui, bien conduire, c'est bien aussi dans l'Est aussi, au petit bazar, c'est André. Yves. C'est au sec ici, avec un ciel menaçant hein, quand même, avec ce vent. Aïe. Toujours la circulation correcte sur cette ligne droite de quartier français de la Marine, de la montée de Bel Air et puis l'échangeur nord de Sainte-Suzanne. Ça reste dense en arrivant sur Franche-Terre, la ravine des Chèvres et puis ensuite jusqu'au Jacques. Après, le trafic est encore à peu près roulant pour arriver sur Saint-Denis. Attention, il y aura, donc vous l'avez entendu, il y a sans doute des complications autour de cet événement qui se déroulera tout à l'heure autour de la Nord-Ève et ensuite du côté du Cimépalme, donc avec cette opération de sécurité. Donc, il y aura des secours et la circulation qui pourrait donc créer, être perturbée, notamment au niveau de la zone industrielle du Chaudron, autour du parc de la Nord-Ève tout à l'heure, après pour la mise en place à 8h. Bonne nouvelle, ça y est, les feux ont été remis en fonction hein, donc au niveau du carrefour Mazagran, donc avec le boulevard Jean Jaurès près du lavoir de Saint-Denis à la sortie du boulevard de la Providence. La circulation donc, se fait d'ailleurs maintenant en meilleure sécurité hein, donc pour passer le double passage de ces deux voies dans un sens et deux voies dans l'autre autour du boulevard Jean Jaurès si vous sortez de Saint-François et des Camélias. La circulation à l'entrée ouest de Saint-Denis s'est repassée sous le tunnel du Cap Bernard, ça va un peu mieux puisque tout à l'heure c'était à l'entrée. Par contre, ça va pas bien du tout. C'est déjà au niveau de l'échangeur de l'Éperon en ce lundi matin, comme la fin de la semaine dernière. Encore une circulation difficile pour rejoindre Cambay, toujours le même problème, donc le passage de la bretelle de Cambay pour les poids lourds notamment, mais tous les véhicules qui rejoignent le port par cet axe, donc la RN7 vers l'axe mixte. Il faudra être patient, je rappelle que l'amélioration n'est pas prévue avant demain matin, en espérant que ça se passe bien demain matin, sinon plus tard ça sera pour mercredi matin, donc après les deux nuits d'enrobée qui sont prévues au niveau de cet échangeur. Beaucoup de patience bien entendu, attention, puisque généralement si ça bloque là, ça bloque également dans les rampes de Plateau-Caillou, en bas des rampes de Crèvecœur, mais également sur le littoral entre Saint-Gilles et Saint-Paul, en passant par le Cap Laoussé. Bon courage. Bonne route avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Drive Cool. Bonne semaine avec Réunion Première. J'espère que ça se passe bien pour vous. Le petit café dans la main, un petit pain au chocolat à côté, ou sinon, je sais pas moi, comme dit Bonbon Créole, un petit riz chauffé. Ben oui, ou prends tout autour d'un curry là, vite fait de marmite, et puis ou mange ça comme ça même en tant que petit déjeuner. Il passe bien aussi quand même. 02 62 99 2000. Appelle-moi, dis-moi comment il se passe pour vous là pour ce lundi matin. Zot après match de l'équipe de France, et puis zot petit message d'anniversaire à tout ça là. Donne tout de suite 06 92 608 335 par texto, ou sinon à l'antenne 02 62 99 2000. Il y a un petit bout qui chante en mode care, mais que je ne sais pas si je connais, mais le petit morceau est joli, oui. Ça, c'est Métis qui chante ça. C'est juste après la pause, sur la première. Première. Vous avez deviné? Devinez. Qu'est-ce que c'est, les gratuites? Les zones 5 à couvert vert, ils espèrent à zone dans notre pharmacie. Ils ne peuvent pas s'en passer, c'est tant tellement les gaillards pour la sécurité de toutes. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben oui, si le petit bac ou en sieve pour traiter ça qui pique, les aiguilles, seringues, sang lancette, ça pour contrôle diabète là. Si vous faites autre soin ou tout seul, et si vous voulez connaître un peu plus comment prothèse à ou sans autre famille, viens voir sidastri.fr. D-A-S-T-R-I, Dastri, ou en sieve, outri et ni ramasse. Il fait plaisir voir à vous préparer un bon curry, mon chéri. Oui, un curry, il faut préparer lit. Vous connaissez une retraite aussi. On a bientôt 62 ans. Il faut regrouper de papier dès maintenant. Les pas automatiques? Non, il faut vous déposer votre dossier retraite complet 6 mois avant la date prévue. Au moins, vous serez sûr d'être payé dans les temps. Un conseiller retraite CGSS, il peut aider à vous. Futur retraité, pour bénéficier de votre retraite dans les temps, contactez le 3960 et déposez votre dossier complet 6 mois avant votre départ. Service 0,06 centimes d'euros la minute, plus prix d'un appel local. Première. Oh yeah yeah yeah yeah yeah yeah. Oh vai vai vai vai. À la anti mélodie pour. Écoute Amélie va faire voyage à où tel un petit poème. J'y sais plus pour où mon zèle. M'y connais que moi la jamais été parfait. Mais auprès de où les efforts moi l'a accumulé. Et ça où connais. Ça vous connaît, mais nous paie pas, on reste là, on reste là, on reste là, de tout mon amour, il s'en sera pas, il s'en sera pas, mais nous paie pas, on reste là, on reste là, on reste là, de tout mon amour, il s'en sera pas, il s'en sera pas, parce qu'il est en moi qui est si ou mon café, mon épée, oui, parce qu'il est en moi qui si ou mon café nous m'a donné 8000 ans. Va où me laisser à vous fort. Dès qu'il est mis à mort. Les passés compliqués, compliqués. Malgré tout ça, l'a se passé dans mon cœur. On l'est gravé et ça a jamais. Et ça a jamais. Même si Zordi ou V aller loin. Il s'agrine à moi qui ou ça va sans moi. Tenir mon main, dis à moi, et dernier fois couillé ma main. Parce que me l'est en moi qui est si ou mon café, nous m'a l'aimé 8000 ans. Par où me laisser à bout fort, et dernier fois qu'on m'a mon trésor. Parce que me l'est en moi qui est si ou mon café, nous m'a l'aimé 8000 ans. Par où me laisser à bout fort, dès qu'il ont mis la mort. On m'a dit que choses ont une fin. Il chagrine en moi qui ou ça va sans moi. Mi peut pas en force à ou mi peut pas retenir ou. Mais ça ce qu'est jamais mi va oublier ou. On m'a dit que toutes belles choses ont une fin. Il chagrine en moi qui ou ça va sans moi. Mi peut pas en force à ou mi peut pas retenir ou. Mais ça ce qu'est jamais mi va oublier ou. Parce qu'il est en moi qui est si ou. Mon café nous m'a l'aimé 8000 ans. Par où mi laisser à ou fort. Et dernier fois qu'on a mon trésor. Métis en mode care sur Réunion Première, en mode Réunion Première, grand matin, Zot s'y lève, petit café de la main. Réunion Première est là, ils suivent Azote, ils accompagnent Azote pour bien commencer la semaine après une belle victoire de l'équipe de France 2-1 contre l'Irlande. OT arrive 2 minutes par VP, hein, moi, ça va. Mais bon, nous a gagné même ce moment. Allez, on part au standard de Réunion Première. Bonjour Marie-Renée. Bonjour Lucas, bonjour Réunion Première, comment il est? OT, ben la forme, ou même. Vous voulez bien ou? Ben oui, ah ben oui. La France écoute, la France a gagné, moi il est franchement, OT la mécontent en moitié. Ah moi aussi, moi il est content. Bon, alors franchement, est-ce qu'on l'arrête jusqu'à la fin le match? Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, même où la garde tout. Quand Dimitri joue, je regarde toujours. Et si, alors, imaginons que, je sais pas, week-end prochain, Dimitri ne jouait pas. Ou garde pas, alors. Non, moi, il faut que Dimitri joue pour que je regarde. Aïe, aïe, aïe, mais baiser là, alors, comment il fait? Où t'es, mais c'est l'équipe de France, quand même. Non, je regarde quand même. Ah bon, un peu pire, moi. Marie-Renée, passe un petit message à l'antenne de Réunion Première, allez. Ben bonjour à Réunion Première. Oui, merci. Et bonjour à l'INSEE, elle est dans les embouteillages là. L'INSEE dans les embouteillages. Mais quel côté? Sainte-Marie. Ah, quoique les vrais finales arrivent là, un petit peu les aussi là, sur moi. Hein. Oui. C'était 20 comme ça là. Maman, l'embouteillage, vraiment, il pète vraiment là. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça me met comme petit message? Oui, c'est ça. Mais écoute. Bonne journée à vous tous. Eh ben merci beaucoup Marie-Renée, à bientôt. Merci Lucas. Allez, très bonne journée à l'écoute de Réunion Première. 02 62 99 2000. Allez, sur la route, la bonne routier, celle de ça va travail. Appelle à nous, décroche le téléphone 02 62 99 2000 ou sinon si vous êtes vraiment timide, connaissez, il ose pas trop là. 06 92 608 335. Bonjour à Marie de la Bretagne qui passe un petit coucou à toute la famille, aux animateurs de Réunion Première, merci beaucoup pour nous. Et puis, bonne journée à tout le monde. Bonjour à Adrien aussi qui nous écoute actuellement. Et puis, on a des messages qui sont signés, mais enfin, qui ne sont pas signés plutôt, c'est ce qui est dommage. Signez vos messages sur le 06 92 608 335, ça serait encore mieux, surtout qu'on entende votre prénom aussi. Un petit bonjour à Marie de la Plaine des Cafres qui nous écoute actuellement, qui passe un petit bonjour à toute sa famille qu'elle aime énormément et aussi à l'équipe de Réunion Première. Alors sachez-le, chez nous, sur Réunion Première aussi, eh ben, on n'est pas tous parfaits. Bah oui, des fois on fait des petites bêtises à l'antenne, ça nous arrive de bégayer ou sinon de dire des bêtises ou ne pas prononcer un mot bien. Bon bref, là, maintenant, sur Réunion Première et pendant toutes ces vacances, vous aurez droit au grand zapping de la première et préparé, s'il vous plaît, de main de maître par Jackie Rebelle. Nous les pas enfants bâtards. Le peuple national n'a point le droit d'empêcher à nous manger notre terre. Pour arrêter ce réchauffement de la planète, il faut faire en sorte que les avions ne volent plus, les constructions arrêtent. Il faut que les avions volent plus, il faut arrêter de faire des enfants et ainsi de suite. L'usine de l'attaquant. De l'attaquant? Ça me dit rien du tout, non. Ben, et comment? Et il doit être à côté de l'usine de Digol. Je sais pas du tout. Là, vous êtes au niveau du standard. Et bah, bien l'usine du goal. Oui. Mais quand il est goal, il faut bien aider l'attaquant. Non, c'est une blague. Mais oui, ma chérie. Et donne le bonjour, monsieur l'arbitre. En compagnie de Jacqueline Farérol, qui évoque dans sa chanson une phrase que les cavaliers autrefois disaient à une demoiselle pour l'inviter à danser. « Mademoiselle, voulez-vous qu'on colloque un son ?» C'est-à-dire, il faisait référence au bruit des talons sur les parquets lorsqu'on dansait le galop. « Cocoloque, cocoloque, cocoloque un son, Jacqueline Farérol. » Ben, on a une solution, on appelle ça grattage. Le grattage. Le grattage. Putain, on parle de chi, hein, j'allais dire encore le mot qu'il faut pas. Hein. Chi. Elle a pas assez de yin. Je vous explique. Ouais. L'homme, c'est un yang. La femme, c'est un yin. Ouais. Quand le yang est en défaut, c'est pas le yang qui est en défaut, c'est le yin, puisqu'elle est yin. Oui. S'il y a trop de yang, c'est pas qu'il y a trop de yang, c'est qu'il y a pas assez de yin. Ouais, ouais. D'accord? Non. Ying, yang. Sa vocalité, sa baille. Il y a Steven Nipat qui nous attend pour la revue de presse. Bonjour Steven. Steven, vous êtes avec nous ? Steven Nipat ? Il arrive. Un bon jeu qui me permettrait d'accéder à la grille de cadeaux, dis donc. Oui, avec plein de cadeaux à l'intérieur, ma chère Isa, c'est fou. C'est extraordinaire. C'est top, mais c'est comme tous les jours en fait, ça change pas. C'est dans le 15-18, il suffit d'appeler au 02-62-99-2000. Et c'est maintenant que ça se passe. Dis donc. Cadeau. On vous attend tout de suite au 02-62-99-2000. C'est dur, hein. Oui, envoyez au. Ouais, je cherche un démarreur. Un démarreur? Ouais, pour une bagnole, une SAP Cordoba. Une quoi? Une SAP. Une SEAT? Non, une SAP, S-E-A-T. Ah, une FAT? Non, une SAP. Ben. Mamaï! C'est un zapping, c'est vraiment saté. Bon, allez. Reposez-nous avec Florida, My House, sur Réunion Première. Bonne journée, excellente semaine. What we is. Sometimes you gotta stay in, in. Welcome to my house. Baby, take control now. We can't even slow down. We don't have to go out. Welcome to my house. Play that music too loud. Show me what you do now. We don't have to go out. Welcome to my house. Morning comes and you know that you wanna stay. Close the blinds, let's pretend that the time has changed. Keep our clothes on the floor, open up champagne. Let's continue tonight, come on, celebrate. That's how we do. Sometimes you gotta stay in, and you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in. Welcome to my house, baby, take control now. We can't even slow down, we don't have to go out. Welcome to my house, play that music too loud. Show me what you do now, we don't have to go out. Welcome to my house. Duck off the crib, despite the pad. But my house is your house if you throwing it back. Excuse me if my home draining the sand. Soon as these happy faces land, you can run with the cash. Home run, slam dunk, touchdown pass. Mi casa es tu casa, so it ain't no holding back. Another shot of vodka, you know what's in my glass. It's my house, just relax. Welcome to my house, baby, take control now. We can't even slow hit the brakes, down hit the brakes, we don't slow have to go. Welcome to my house. Play that music too loud. Show me what you do now. Oui, certes, son nom, ouais, c'est Flo Rida, oui. Il adore la Floride. Où est-ce qu'il fait chaud, où est-ce qu'il fait bon, où est-ce qu'il y a du gros soleil, de belles plages, de belles filles aussi en même temps. Bon, allez, j'arrête. Bon, quand même, en tout cas, vous écoutez Réunion Première, excellente journée. Il y a vos messages qui arrivent sur le 06 92 608 335. Bonjour Lucas, en ce jour pluvieux, j'aimerais que la première nous passe un petit morceau de Nice, la Réunionnaise. Eh bien écoute, nous essayons, fait ça pour, en tout cas, c'est pour tout le monde dans l'Est. Ok, dans l'Est, la pluie donne pas qui alors? Vraiment ça ou sinon c'est un blague. Allez, 02 62 99 2000. Ceux qui habitent dans l'Est là-bas, Saint-André, Saint-Benoît, quel temps il fait? Est-ce que la pluie tombe vraiment? Parce que bon, ok, pas moi. Tiens-moi ça, 02 62 99 2000. Et puis un petit coucou à Val qui nous écoute actuellement. Alors, apparemment il pense que l'île lève aussi. Elle dit comme ça, Emmanuel Ivara, le morceau Salalé là. Salalé là, la lilé. Elle dit, c'est un bon morceau, il aime ça, mon noir. Bon, mais il n'y a pas passé où tout val. Mais juste un petit bout comme ça, il fait plaisir aussi, non? Écoute bien, écoute bien. Salalé la lilé. Côté. Salalé la lilé. Ah bon? Salalé la lilé. Où la boule, ça m'a tombé. Tout bon moment passé. Tout ça l'a fini fané. Sans tout et moi les brisés. Comprends pis que ça m'il. On vous fait un petit peu plaisir aussi en même temps sur Réunion Première. Allez, bonne semaine, Emmanuel Ivara. Salalé, salalilé. Certes, mais quand même, il est 7h30. On retrouve le journal de Radio France Internationale. Merci d'écouter RFI, les 5h30 à Paris, 3h30 en temps universel. Grégory Lesca. Dans l'actualité de ce lundi 27 juin, les conservateurs remportent les élections législatives en Espagne. Le Premier ministre sortant, Mariano Rajoy, revendique la victoire. Le Parti populaire totalise 137 sièges sur 350, contre 123 au mois de décembre lors des précédentes élections. Un scrutin serré qui n'avait pas permis de dégager une majorité claire. Cette fois, le PP devrait pouvoir former une coalition. Le Parti socialiste arrive deuxième avec 85 sièges. Le Parti anti-austérité Podemos reste la troisième force politique du pays avec 71 élus. Quelle position adopter face au choix des Britanniques de quitter l'Union européenne ? Angela Merkel, la chancelière allemande, reçoit ce matin le président du Conseil européen, Donald Tusk. Puis en fin d'après-midi, les dirigeants français et italiens. Objectif, trouver une entente sur l'attitude à adopter vis-à-vis de Londres avant le sommet européen de mardi. Et au Royaume-Uni, le référendum de jeudi a provoqué le trouble. Côté conservateur, la bataille a débuté pour succéder au Premier ministre David Cameron, démissionnaire, tandis que chez les travaillistes, de plus en plus de voix s'élèvent contre le chef du parti, Jeremy Corbyn. 11 dirigeants travaillistes ont démissionné ce week-end et la réunion de ce soir s'annonce houleuse. Dans l'ouest de la France, c'est le oui qui l'emporte au référendum sur le nouvel aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Hier, un peu plus de 55% des électeurs en Loire-Atlantique ont approuvé ce projet très contesté. Le Premier ministre Manuel Valls a promis que le gouvernement ferait appliquer le verdict des urnes. Ce devait être un jour de fête hier à Madagascar, mais les célébrations pour le 56e anniversaire de l'indépendance ont viré au drame. Une grenade a été actionnée au milieu de la foule dans le stade municipal d'Antananarivo où se tenait un immense concert gratuit. Au moins 2 personnes sont mortes et 86 personnes blessées. En sport, les Bleus ont eu chaud. Hier à Lyon, mené 1-0 dès la 2e minute par les Irlandais, l'équipe de France de football s'est finalement qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro. Sur le score de 2-1, c'est Griezmann qui a inversé la tendance en inscrivant 2 buts coup sur coup en 2e mi-temps. En quart de finale, les Français affronteront le vainqueur de la rencontre de ce soir entre l'Angleterre et l'Islande. Autre match à suivre, Italie-Espagne. Dans les autres 8e de finale, hier, la Belgique a écrasé la Hongrie 4-0 et l'Allemagne a dominé la Slovaquie 3-0. Et puis du foot toujours sur le continent américain. Le Chili remporte la Copa América. Les Chiliens ont battu les Argentins en finale au tir au but. Et puis en tennis, c'est le début aujourd'hui du tournoi de Wimbledon sur le gazon londonien. À suivre notamment l'entrée en lice des deux numéro 1 mondiaux, Novak Djokovic face à James Ward et Serena Williams face à la Suissesse Amra Sadikovic. Côté français, on suivra notamment Cornet chez les femmes et Benedetto Manarino Simon, Roger Vasselin, Herbert a eu et le duel mon fils Chardy chez les hommes. 5h33 ici à Paris. L'info revient à 8h. Ah bah oui, on est de retour sur Réunion Première, 7h33. Bah oui, bah c'était une réunion quand même, oui. Bon, alors, vos messages là sur le 06 92 608 335. Bonjour à l'équipe de Réunion Première, bonne semaine à tout le monde. C'est un petit peu les vacances pour nous, c'est signé Josie de l'étang salé. Oh, t'es bon, on a la chance Josie, oui. Ah donc en fait, on est presque en vacances, quoi, c'est ça. Eh ben, comme quoi, hein. Donc 0262 99 2000 06 92 608 335. On écoute celle qui actuellement aussi fait la part belle à tous les charts, que ce soit américain, français, allez, anglais. Elle cartonne partout. C'est Rihanna. Voici Kiss It Better sur Réunion Première. Like that. Kiss It Better Baby, bien sûr que oui. Bon, on s'embrasse tout doucement ce matin, en sortant du lit aussi. Allez, bon courage à celles et ceux qui sont sur les routes actuellement. Et puis, bonne journée à Jessica. Voilà. Oh, t'es un petit peu écrit, un petit peu bizarre quand même, sur le 06 92 608 335. Jessica qui nous dit, alors, bonne journée à l'équipe de Réunion Première. Mais on embrasse à Zod bien fort. Et moi, m'y commence ma semaine sans travailler. Oh, t'es beau, on a de la chance, oui, ma fille. Pas tout de monde pareil. Hein. Bonne journée, Réunion Première. Je souhaite un bon anniversaire à ma copine. Oui, mais maman écrit bien le bon prénom, s'il vous plaît. Alors, c'est Églantine, la météo 3N. Mais comment on me dit ça? Églantine? Ma copine Églantine, donc de Saint-Benoît. Elle fête aujourd'hui, donc c'est un an de plus. Ça, c'est de la part de sa copine et de toute la famille. Les messages d'anniversaire, donc au 06 92 608 335. Et pourquoi pas en direct aussi, 02 62 99 2000. Un petit coucou à Bernard de Sainte-Marie. Lui, actuellement sur la route aussi. Il part au boulot. Bon courage à tous les routiers qu'il salue par la même occasion. Et Big up Réunion Première. Bonjour Réunion Première. Alors il y a apparemment il y a un petit accident sous le pont des Jacques sens Sainte-Marie Saint-Denis. Bonne journée, c'est signé Véro. Ben Véro 02 62 99 2000. Appelle à nous maintenant. Dis-nous un petit peu plus là-dessus là. Appelle-nous vite fait et on va savoir un petit peu plus sur cet accident sous le pont des Jacques, sens Sainte-Marie, Saint-Denis, Véro, 02 62 99 2000. En tout cas, pour le temps, sachez-le, pour aujourd'hui, donc ça va aller, il y aura un petit peu de nuages ici et là. L'ennuagement sera un petit peu plus présent du côté du volcan de Takamaka, où est-ce qu'il y aura même quelques petites gouttes de pluie. Dans l'après-midi, par contre, le temps sera un petit peu plus clément avec des paquets nuageux le long des remparts ainsi que dans les hauts de Saint-Paul qui déborderont le long du littoral nord. Côté des températures, les maximales en général sont un petit peu plus fraîches que les normales saisonnières. Écoutez, la météo, c'est bien. Et sur la route, comment ça se passe? Votre trajet en toute confiance, c'est l'heure des inforoutes avec Honda Moto. Yves, on nous signale un accident donc du côté de Saint-Denis. Mais sur la bande d'arrêt d'urgence, mon cher Lucas, et les gendarmes sont sur place. Il y a deux véhicules arrêtés. C'est au niveau de la bretelle d'insertion qui quitte l'échangeur des Jacques en direction du pont de la rivière Sainte-Marie et en allant vers le plateau de la Marne. Donc attention. Alors ça ralentit forcément avec l'effet curiosité. Hein, donc en provenance de la ravine des Chèvres, l'échangeur des Jacques, trafic qui reste de toute façon dense puisqu'on est encore en pleine heure de pointe, même si vous l'avez senti. Donc hein, ça sent les vacances. Attention quand même, il y a quand même des zones où parfois les ralentissements peuvent se faire parce qu'il y a des tracteurs, notamment à la montée de Bel Air depuis l'échangeur qui sort de la marine en provenance de l'usine de Bois-Rouge. J'ai croisé mon premier cachalot, j'en avais pas vu encore beaucoup, plus de tracteurs que de cachalots encore pour le moment, mais donc ils sont déjà dans le trafic. Circulation plutôt correcte en fin de 4 voies ici à Saint-Benoît, avec un grand beau temps hein, sur la plaine partir de la confiance, pleine des palmistes, vers le col de Bellevue, c'est complètement dégagé, mais ici, il y a quelques gouttes il y a quelques instants. La circulation qui se fait, avec surtout des difficultés en provenance de l'ouest, route des Tamarins, c'est avant l'échangeur de l'Éperon, hein, ça démarre un petit peu au-dessus de cet échangeur, il va falloir être très patient encore une fois, comme en fin de semaine dernière, jeudi et vendredi, avec une circulation qui risque d'être perturbée longtemps ce matin, dans la matinée. On se souvient, jeudi, jusqu'à 11h, il y avait encore 2 km de bouchons. Hein. Donc les ralentissements se font également sur le littoral, pas encore à Grand Fond, mais à Boucan, ça coince pour rejoindre le cap Champagne et ensuite le cap Laoussé en direction de Saint-Paul, en passant par le front de mer. L'entrée ouest, là c'est au niveau potence, hein. Donc là il y a un peu de ralentissement à l'entrée de Saint-Denis. Pont Vincent, ça roule. Les tranchées côté mer étaient un petit peu chargées. Alors les feux ont été terminés en fonctionnement. Et puis je vous rappelle, dans 20 minutes, ça risque d'être un petit peu difficile autour du parc des expositions de la Nord-Neve avec cette opération de sécurité, cet exercice qui va être réalisé ce matin, à la fois la Nord-Neve et un peu plus tard, du côté de Sainte-Marie du parc. Très bonne route avec la première et patience. C'était les inforoutes pour des trajets en toute confiance avec Honda Moto. Et puis en même temps, hein, 02 62 99 2000, hein, vous êtes sur la route, dites-nous comment ça se passe. Hein. N'hésitez surtout pas, vous décrochez votre téléphone si vous en avez la possibilité, surtout en prudence. 02 62 99 2000. Baby Cigar nous chante Hissé sur la première. Quel bateau est calde en plein milieu l'océan, qui prend la mer pour un bassin, la pelle au cigré. Jusqu'à l'air qu'on a retrouvé les plus forts. Nous un bon pire à débarquer. Il sait mon pavillon. Il sait où est mon pays, mon nation. Il sait pour connaître. Il sait ouais, bien n'a pas n'importe qui. Imagine demain nous les prix dans un pied gros temps. Nous la savirer la pour dériver d'un malisé. Oh t'es comment oui bé. Si même elle nous donne, il voit même pas qui ça nous l'est. Alors il sait mon pavillon. Il sait où l'est mon pays, mon nation. Il sait pour connaître. Il sait ouais bien n'a pas n'importe qui. Un bon sans couleur, c'est un bon, chacun son côté. Un bon sans couleur, c'est un bon, plus facile pour amarrer, plus facile pour diviser, pour dominer. Tout type bouti met ensemble. Tout ça jolies affaires nous guérir fait. Il sait mon pavillon. Il sait couler mon pays, mon nation. Il sait pour connaître. Il sait moi bien à pas n'importe qui. Il sait Davis Sicard, hissé au boulot, hissé haut sur la première excellente matinée. Bon début de semaine avec nous. OTB. Bonsoir Denis, oui. Bah oui, comment? Bonjour Isa, ça va? Bonjour Lucas, bonjour à tous, ça va bien, tranquille. Écoute, c'est un petit peu un bouleversement sur l'antenne, mais bon, tout le monde est là. Bah oui, tranquillement. Moi, pas plus bouleversé que ça, sûrement. Non, il bouleverse un peu d'habitude, ça oui, m'aime. Oui, et puis des fois, il change une feuille, il fait du bien. Bah oui, il faut de temps en temps lever un peu grand matin. Isa, oui. Que l'on retrouve à 8h. Exactement, à partir de 8h jusqu'à 9h, on va commencer déjà à cuisiner. Ça vous dit? Bah oui. Et en plus, ma faim. Ah bah ça tombe bien, ouais, manioc. Au thé. Avec un coup de... Ah moi, il me sert avec un petit peu de sucre dessus. Avec un petit peu de sucre dessus. Et vous voulez aimer comment votre manioc? Eh bien, vous pourrez nous le dire au 02 62 99 2000. On sera avec un chef qui, lui, nous proposera le manioc en apéritif. Ah, parce que ça marche aussi. Ben, il fait chips, tout ça. Non. Ben oui, on ne connaît pas comment il faut faire. Ben non. Affole pas, notre chef va expliquer à Zot absolument tout et nous va partager ensemble des recettes de manioc. Donc, tout ça qui aime manioc, même ça qui aime pas, il ne connaît pas comment il fait, et ben Zot va gagner à prendre. Et en plus, après 9h, et ben on aura un beau cadeau pour tous à te la participer, puisqu'il y aura un bouquin de cuisine, un très beau livre de recettes et d'astuces du chef Sabine Bijoux pour Zot. À cause de pas jouer. Ah ben non. Si vous pouvez jouer, il faut appeler 99 pour participer à l'émission, si vous voulez. Ouais, mais moi, je pas, moi, jamais comme ça, mais ah, bah oui, bah c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Hein, bon, en, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez déjà aussi nous faire parvenir un petit peu vos petites recettes de manioc. Hein, oui, au 06 92 608 335, que nous peut partager avec Zot. Voilà. Zot, il a Zot prénom et nos autres numéros de téléphone et nous rappelle à Zot, n'a pas de problème. Donc, fais vite, 06 92 608 335, Zoti recette manioc, ôté avec Isa là. Maman, le ventre les plaît entre 8h et 9h déjà pour commencer. Je comprends pourquoi il lève grand matin. Ôté, m'a compris, manger. Oui. Et sans ta voix, qu'est-ce que je ferais, Isa? Bah, je sais pas. Bah, écoute, c'est la fouine a dit sans ta voix. Même Lily connaît pas. Poudiao. Eh ben, écoute, ça c'est dans quelques instants sur la première. Mais bon. Première. Allô Première. Pendant les vacances, de 8h à 11h. Isabelle Waron. Tous les jours, un chef cuisinier sera là pour partager son bonne recette. 9h, les experts vont continuer à aider Azote avec toutes autres bonnes problèmes, même pendant les vacances. Et puis je vous donnerai des idées de sortie pour occuper les marmailles. Allô Première. De 8h à 11h. Très bonnes vacances sur Réunion Première. Première. Alors, si comme moi, vous avez raté les différents matchs de l'Euro, eh bien, on fait un petit récapitulatif maintenant avec le journal de l'Euro sur la première. Les Bleus qualifiés 2-1 face à l'Irlande. Encore une victoire poussive, encore la croix et la bannière, mais de la chance et du caractère. Totale maîtrise en revanche de la Belgique et de l'Allemagne, beaucoup plus impressionnante hier pour décrocher leur ticket. Ce soir, à suivre le choc tant attendu, la finale avant l'heure entre l'Italie et l'Espagne, les meilleurs ennemis européens. Heureusement, il y a à chaque fois un homme providentiel, un sauveur. Après Payet, Antoine Griezmann a libéré les Bleus hier après-midi à Lyon. Griezmann, auteur du doublé face à l'Irlande. Et une catastrophe évitée de justesse pour ces Français, toujours pas convaincants, toujours pas sereins. Ouverture du score par les Irlandais à la deuxième minute de jeu, puis le calme plat avant un sursaut tricolore enfin en deuxième période. L'essentiel est là, la qualification pour les quarts. Faute de maîtrise, les Bleus ont encore du caractère et du cœur, à en croire leur capitaine Hugo Lloris. De toute façon, il en faut du caractère. Hein. Quel que soit le scénario, on doit s'adapter. On avait bien préparé ce match, mais on pensait pas prendre un but si tôt. Et surtout que voilà, tout le monde est un petit peu fautif parce qu'on a manqué d'agressivité dès le coup d'envoi. On s'est laissé un petit peu endormir. C'est un fait de jeu, il a fallu rebondir, mais c'était pas facile parce que 1-0, c'est pas le même match. C'est difficile de prendre des risques à ce moment-là du match. Mais en deuxième mi-temps, avec le changement tactique, également le changement un petit peu d'esprit, puisque chacun a pris ses responsabilités, a élevé son niveau, et c'était beaucoup plus favorable pour nous. Il va donc falloir travailler encore pour espérer un avenir dans ce tournoi. Les Bleus ont une semaine de préparation avant leur prochain match dimanche soir, et c'est ce soir qu'ils connaîtront leur adversaire à l'issue du 8e entre l'Angleterre et l'Islande. On va y revenir dans un instant. Les Français à la peine, encore une fois, contrairement aux Belges et aux Allemands. Les Belges d'abord qualifiés après leur sublime victoire 4-0 face à la Hongrie, dont un but d'Eden Hazard, très en forme. Ils affronteront le Pays de Galles vendredi en quart de finale. Qualification facile aussi et impressionnante de la Mannschaft face à la Slovaquie, 3-0. Les Allemands ont maîtrisé le match de bout en bout. Ils deviennent désormais des candidats très sérieux à une victoire finale. Le défenseur central Jérôme Boateng a ouvert le score. Il est évidemment ravi. C'était important pour nous et je pense qu'on a fait un bon match tous ensemble. Nous sommes heureux d'avoir passé ce test avec succès. Évidemment, je suis content d'avoir marqué, mais je suis d'abord satisfait pour l'équipe, parce que nous avons mieux joué que lors de la phase de poule. Nous sommes une vraie équipe. Chez nous, il n'y a pas une superstar. La star, c'est l'équipe. Et c'est un quart de finale très intéressant qui nous attend, puisque les Allemands affronteront samedi le vainqueur du choc Italie-Espagne ce soir. Un choc au Stade de France à 18h entre la Rora, double tenante du titre, et la Squadra Azzurra, finaliste en 2012. Les Italiens ont donc une revanche à prendre contre des Espagnols qu'ils connaissent par cœur et qu'ils redoutent, évidemment, l'entraîneur italien Antonio Conte. Nous avons le plus grand respect pour cette équipe d'Espagne. C'est pour moi l'équipe la plus forte du monde. Et évidemment, les Espagnols sont favoris de ce tournoi. Mais nous nous sommes préparés pour rivaliser avec eux. Je ne veux rien regretter. J'accepte de perdre si l'adversaire est plus fort. Dans ce cas, on lui serre la main et on s'incline, mais pas dans d'autres conditions. On va donc essayer de créer l'exploit, car si on se qualifie, ce sera un exploit. L'entraîneur italien Antonio Conte, Italie-Espagne, coup d'envoi à 18h au Stade de France. Suivra ensuite Angleterre-Islande, beaucoup plus déséquilibré sur le papier, à 21h à Nice. Le vainqueur affrontera donc les Bleus en quart de finale dimanche prochain à Bordeaux. Le tout bien sûr à vivre en direct sur France Info, radio officielle de cette équipe. Parfois j'en veux au monde, je te cache pas, j'ai la haine, j'ai envie de rester tout seul dans mon clavier AMG. Succès, l'argent, les femmes, tout ça fait tourner la tête. J'aurais pu me perdre, j'aurais pu prendre perpète sur un coup de tête. Parfois c'est triste et parfois c'est noir, mais à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Papa t'a bossé toute ta vie pour un salaire de misère. Plus d'eau chaude, on se touchait à l'eau froide, même en plein hiver. Roller des sons truqués, elle m'a bien éduqué. Boubou, pas de loup, boule, paradis sous ses pieds. Concert à gauche, à droite de la Clio Carrera. Un seul regret ici-bas, maman n'a pas eu sa villa. Si fière, si belle, tu n'as jamais baissé les bras. Et j'avoue que c'est dur sans toi, sans ta voix, sans ta voix. Mais depuis le ciel, tu es chaque seconde avec moi. Est-ce que je te rends fière et belle? Oh maman, oh maman. est complet dans ma belle gaube. Je suis pas un nouveau riche, je suis un ancien pauvre. On connaît mon nom, j'ai pris du poids comme Maria Carré. J'ai trop tourné en rond, j'ai mérité de m'asseoir au carré. Du bout des doigts, touché tous mes rêves. Mauvais élève, marche ou crève, du sang sur le glaive. Argent qui dort, disque d'or, disque de platine. Aucun remords, à part que mon Panamera patine. J'y fouille dans l'impasse, le temps passe. Seul au fond de la classe, je rêvais de m'asseoir en première classe. Concert à droite à gauche de la Clio Carrera. Un seul regret ici pas, maman n'a pas vu sa villa. Pierre, si belle, tu n'as jamais baissé les bras. Et j'avoue que c'est dur sans toi. Sans ta voix, sans ta voix. Mais depuis le ciel, tu es chaque seconde avec moi. Est-ce que je te rends fière et belle? Oh maman, oh maman. Perdu d'avance dès le départ. Il y a ceux qui ne refusent pas d'y croire. Elle rentrait fatiguée tard le soir. Elle est mon modèle, elle est ma gloire. Quand c'est perdu d'avance dès le départ. Il y a ceux qui ne refusent pas d'y croire. Elle rentrait fatiguée tard le soir. Elle est mon modèle, elle est ma gloire. Si fière, si belle, tu n'as jamais baissé les bras. Et j'avoue que c'est dur sans toi. Sans ta voix, sans ta voix. Mais depuis le ciel, tu es chaque seconde avec moi. Est-ce que je te rends fière et belle? Oh maman, oh maman. Si fière, si belle. Tu n'as jamais baissé mes bras. Et j'avoue que c'est dur sans toi. Sans ta voix, sans ta voix. Mais depuis le ciel, tu es chaque seconde avec moi. Est-ce que je te rends fière et belle? Oh maman. La Fouine sans ta voix sur Réunion Première. Mais bon, en tout cas, vous, vous êtes là avec nous sur la première. Merci d'être là. Et surtout, un petit coucou à Isabelle de Saint-Benoît qui passe un petit bonjour à Isabelle aussi en même temps. Et apparemment, le manioc fait sensation sur le 06 92 608 335. Mais bon, le manioc. Est-ce que le manioc est connecté? M'y connaît pas. Ça, ça me connaît pas, moi. Mais en tout cas, nous, on a connecté première. Ah, ben elle est bonne. Maintenant. Connecte première. Bonjour, encore une mauvaise nouvelle pour le vilain petit canard du web. Le format Flash est dans le viseur, désormais, de Apple. Lorsque sortira la prochaine version de l'Operating System pour Mac, désormais dénommé macOS Sierra, le successeur de la version El Capitan, Safari en version 10, le navigateur maison et par défaut d'Apple, n'affichera plus les contenus en Flash. Bon, c'est un petit peu plus compliqué. En fait, ils ne seront pas affichés automatiquement. Ce sera à l'utilisateur de valider chaque contenu animé en Flash. Concrètement, on verra apparaître un cadre vide et trois possibilités de choix. Annuler, donc ne pas voir le contenu Flash. Activer Flash une fois pour cette visite. Ou encore activer Flash de manière permanente sur le site concerné uniquement. On en parlait déjà à la fin de l'année dernière, même Adobe, l'éditeur du système Flash, recommande désormais de ne plus l'utiliser. Pionnier dans le domaine des animations sur le web, Flash aura quand même permis de passer d'un système complètement statique à un internet où l'on voyait des choses bouger sur son écran. Alors ça pouvait être des pubs, des logos, des jeux, etc. Mais la technologie est maintenant dépassée. Et surtout, Flash aura été une passoire en matière de sécurité exigeant mise à jour sur mise à jour. Cette annonce d'Apple encouragera donc sûrement les derniers développeurs web récalcitrants à utiliser la technologie HTML5 qui a largement pris le relais et le dessus. Sachant que Chrome et Edge sur Windows 10 le font déjà. Alors il se pourrait que Safari généralise ce système de blocage par défaut pour d'autres contenus jugés obsolètes ou problématiques comme Java, Silverlight ou même QuickTime, une ancienne star maison. Safari en version 10 devrait sortir d'ici 3 mois avec la nouvelle mouture de macOS Sierra. Mais les développeurs et les curieux ont déjà la possibilité de télécharger la version bêta. Alors si vous êtes vraiment impatient de découvrir toutes les nouveautés Mac, lancez-vous, mais ce sera, bien sûr, à vos risques et périls. Belle journée. Merci beaucoup, c'est vrai. Hein. À vos risques et périls. C'est vrai, faire une amélioration de son OS ou de son Windows, ouais, c'est pas toujours facile. Isabelle, qu'est-ce que ça? Ah, bouge pas. Jacques, Isabelle, c'est quoi avec moi? Rien, mais comprends pas comment il fait. Mais il préfère faire cuit manioc, moi, me dire franchement. Et pour autant, et on a déjà fait de manioc, arrive pour là sur 06 92 608 335. Un petit message pour Isabelle de Saint-Benoît. Isabelle, oui. Laisse à nous le numéro de téléphone par SMS. 06 92 608 335. Nous va appeler à outre à l'heure pour cause un peck, notre chef, et donne à nous outre recette de manioc au sucre. Manioc au sucre caramélisé. C'est ce que Marius avait là, mais un petit peu de sucre dessus là, quand ça finit bien chaud là, mon âme. Bah oui, quand les simples est mieux généralement. Tu m'étonnes. Bouge fait de l'eau, t'es 8h arrivant ou vite. Enfin, oui, non, mais quoi que. T'es ben, m'a fini aussi, moi là, l'eau. Bah oui. Bah quoi ça. Bah oui, bah, Isa, parce que c'est comme ça. Merci beaucoup, ben Isa. Oui. Dans quelques instants, c'est pour vous. Ouais. Mais attention, avant ça, nous retrouvons Yves vite fait. Yves Bruyer pour l'inforoute. Roulez tranquille en suivant l'inforoute avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Yves, sur la route. À la balance de Saint-André, où les premiers tracteurs ont amené les gaz, ça tourne ici, les rues fonctionnent, les tractopelles également, et puis les cachalots qui viennent régulièrement. Donc pour le moment, assez doucement, hein, c'est pas encore le gros début de campagne. Voilà, c'est généralement pour la première journée, toujours un petit peu calme. Ceci dit, il y a quand même des tracteurs, attention, soyez attentifs et anticipez vos dépassements. Hein. Donc ne restez pas forcément sur la voie de gauche parce que c'est interdit. Mais une fois que vous voyez un tracteur au loin, commencez à dépasser un petit peu avant pour pas vous faire surprendre. Le trafic, toujours avec ces ralentissements d'une curiosité. Il y a toujours ce petit accident à hauteur de l'échangeur des Jacques en direction de Saint-Denis. Des ralentissements qui vont de la ravine des Chèvres jusqu'au niveau du front de mer, mais avec énormément de zones roulantes, donc tout n'est pas à l'arrêt. Attention, ça sera un peu compliqué à hauteur du parc des expositions avec l'exercice qui se met en place. Vous allez entendre parler dans le journal dans un instant. Donc attention, les tranchées sont chargées, donc côté mer et côté montagne sur le boulevard sud. Entrée ouest, c'est avant les Potences, PR4, donc 2 km avant le tunnel du Cap Bernard. Et puis attention, l'entrée de Saint-Paul, toujours très très difficile. Et c'était remonté au niveau de l'échangeur de l'Hermitage, c'est redescendu juste avant l'échangeur de l'Éperon, mais c'est encore très très difficile. Même le littoral en bas est bloqué à partir de Grand Fond maintenant, hein, direction Saint-Paul par le littoral et par la route des plages. Grosse difficulté toujours due à l'échangeur de Cambay en travaux. Très bonne route. Bonne route avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Très bon lundi à tous. Merci de commencer la semaine sur la première. Il est 8h. Le journal de la rédaction est présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Les premières cannes ont été livrées dès 6h. La campagne sucrière démarre ce matin dans le Nord et l'Est. Une campagne qui commence mal pour une quarantaine de planteurs. Ils vont devoir attendre 2 semaines avant de pouvoir acheminer leurs cannes. Nous serons en direct de l'usine de Bois-Rouge dans ce journal. Il est justement agriculteur et il souhaite se présenter à la présidentielle de 2017. Rencontre ce matin avec Frédéric Amani. Il s'est inscrit sur laprimaire.org. Explication à suivre. Le football aussi, avec la qualification hier de l'équipe de France pour les quarts de finale de l'Euro. Les Bleus ont battu l'Irlande 2-1. Dimitri Payet était titulaire, mais il n'a pas marqué. Et puis le championnat de breakdance, c'était hier à Saint-Pierre. Beaucoup de monde pour regarder, mais aussi applaudir et danser. On y reviendra à la fin de cette édition. C'est parti, la campagne sucrière a démarré à 6h ce matin dans le Nord et l'Est. À peine parti et déjà un problème. Des agriculteurs sont sur le carreau, ils vont devoir attendre 2 semaines supplémentaires avant de livrer leur canne. Une quarantaine d'exploitants sont concernés suite au retard sur le chantier de la nouvelle plateforme de la Mare. Pour les autres, les rotations ont donc démarré tôt ce matin. Olivier de la Richaudie, vous êtes à l'usine de Bois-Rouge, alors comment ça se passe sur place ? Bien Florent, l'atmosphère est tout à fait sereine ici à la sucrerie de Bois-Rouge. Les opérations de pesage, d'échantillonnage et de déchargement se succèdent sous un ciel clément, tout doucement avec des agriculteurs qui ne bronchent pas. Pour Pierre, la campagne s'annonce aussi bonne que celle de l'an passé. Ce planteur de Franche-Terre a démarré la coupe la semaine dernière et il a prévu de faire 2 livraisons aujourd'hui. Environ 22 tonnes, c'est un début, m'a-t-il dit, car il n'y a pas de quota aujourd'hui. En effet, l'usine ne devrait atteindre son rythme de croisière qu'à partir de mercredi. Pour ce premier jour, seules 5000 tonnes sont attendues, alors que la capacité maximale de traitement se situe aux alentours des 8000 tonnes. D'ailleurs, Florent, le processus de production sucrière n'a pas encore été lancé. Pour démarrer les défibreurs, moulins et autres diffuseurs, il faudra réceptionner davantage de cannes. La mise en route de la machinerie est prévue aux alentours de 10h. Olivier de la Richaudie en direct de l'usine de Boisrouge. Et concernant les 40 planteurs sur le carreau, la CGPER est intervenue. Le syndicat agricole a demandé à Tereos la remise en service partielle de l'ancien centre du quartier d'affaires. Il est lui-même planteur ou plutôt technicien agricole. Frédéric Amani se verrait bien à l'Élysée. L'homme de 41 ans participe à la primaire organisée par laprimaire.org. C'est une association qui propose de choisir un candidat citoyen pour la présidentielle de 2017. Frédéric Amani fait de la politique depuis peu. Il était sur la liste de l'UPR lors des dernières régionales. Mais c'est sans parti qu'il a choisi de continuer. Alors comment peut-il devenir candidat à la présidentielle? Les explications de Sophie Persson. Sur le site laprimaire.org, chacun peut être candidat à la candidature. Frédéric Amani y a donc déposé son programme comme 203 autres personnes. Il lui faut un minimum de 500 soutiens pour continuer l'aventure. Par ailleurs, l'association fait aussi du financement participatif afin de payer ensuite la campagne électorale du candidat choisi. Comment sera-t-il choisi justement? Eh bien, il y aura des débats et c'est au nombre de soutiens obtenus alors qu'on saura qui se présentera à l'élection présidentielle. Frédéric Amani a un programme essentiel économique, il est pour une régulation des marchés. Si c'est lui qui est choisi, laprimaire.org lui financera sa campagne et l'aidera dans sa logistique. L'association créera aussi un parti politique car non, on ne peut pas être remboursé des frais de campagne à la présidentielle si on n'a pas de parti. Laprimaire.org n'est pas la seule initiative de ce type en France. Quelques personnalités, parmi lesquelles l'écrivain Alexandre Jardin, Corinne Lepage ou encore Jean-Marie Cavada ont, eux, lancé la primaire des Français. La primaire, décidément, c'est tendance pour la présidentielle de 2017. Peut-être donc un technicien agricole réunionnais, candidat à la présidentielle. En attendant, je vous le disais, la campagne sucrière a démarré ce matin dans le nord et l'est. Les cachalots sont de retour. Prudence donc sur la route. Prudence également aux abords de la Nordève à Saint-Denis. Un exercice y est organisé en ce moment. Une opération grandeur nature pour lutter contre le terrorisme. 70 policiers, 80 gendarmes, 30 pompiers et 300 figurants sont mobilisés. Tout cela dans le cadre du schéma national d'intervention présenté le 19 avril dernier. Un deuxième exercice de ce type est prévu à 10h, toujours ce matin, au Cinépalme de Sainte-Marie. Attention donc, si vous devez circuler dans le secteur, un périmètre de sécurité a été mis en place. Un mot de l'actualité dans la zone. À Madagascar, la malnutrition inquiète les organisations internationales. Selon les derniers chiffres, 1 million de personnes souffriraient du manque de nourriture dans le sud. Une soixantaine d'humanitaires viennent de se réunir à Tana. Leur but, établir l'ébauche d'un plan d'action sur le long terme. Correspondance RFI, Jeanne Richard. En plus de la sécheresse récurrente, l'invasion des criquets, l'érosion des sols, l'insécurité, les épidémies et les difficultés d'accès aux soins et à l'éducation font du Grand Sud la zone la plus sinistrée de Madagascar. Pour régler durablement ces problèmes, plusieurs pistes ont été évoquées, comme l'explique Marie Dimon, représentant adjointe du programme des Nations Unies pour le développement. On parle beaucoup de manque chronique de l'eau, lié à ça, bien sûr, l'agriculture. On parle aussi d'un besoin de renforcer des structures gouvernementales sur place pour qu'ils puissent jouer un rôle plus important dans la coordination et dans le suivi. Et on parle aussi, par exemple, d'améliorer les infrastructures. Pourtant, depuis longtemps, de grands projets ont été lancés, mais aucun n'a été réellement efficace. C'est pour cela que tous les acteurs de l'humanitaire doivent mieux se concerter, selon Thierry Venti, secrétaire exécutif du BNGRC, le Bureau de gestion des risques climatiques. La journée de réflexion nous a permis surtout de montrer donc les lacunes des approches passées et d'essayer donc de combler cette lacune. On espère qu'avec une bonne coordination, on arrivera à bout de ces problématiques. Pour aller plus loin, un autre atelier est prévu d'ici un mois. Un plan d'action sur plusieurs années devrait en découler. À Maurice, on s'inquiète des conséquences du Brexit. L'île sœur dépend en grande partie de la Grande-Bretagne pour son sucre notamment. Selon le quotidien de ce matin qui cite le cabinet Axis Stockbroking, il pourrait y avoir un manque à gagner de l'ordre de 750 millions de roupies, soit près de 19 millions d'euros. 8h06 sur la première, la France. Florent est en quart de finale de l'Euro de football. Et oui, ce sera dimanche face à l'Angleterre ou l'Islande. Hier, les Bleus se sont qualifiés face aux Irlandais. 2-1, un double d'Antoine Griezmann en seconde période. L'air avait ouvert le score sur pénalty dès la deuxième minute. Dimitri Payet était titulaire avec la France, moins en vue que lors des premiers matchs. Le Réunionnais garde la confiance du sélectionneur, une confiance partagée avec les supporters réunionnais, nombreux hier dans les bars du chef-lieu.